find you far. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I'm missing out from your lies. Sib, Breeze sur Fun Radio. Oui. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. J'étais en train de chanter. Il y a un petit blanc. Hein. J'étais en train de chanter la chanson en fait. Oui, d'accord. Il y a un petit blanc. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on peut réécouter la fin de la chanson en direct? Non, parce que c'est quoi ce disque? Comment il se termine ce disque? On peut écouter les 5 dernières secondes, Godefroy, s'il te plaît. Allez, 5 secondes. Je suis sûr que tu peux y arriver. Vas-y. C'est parti. Écoutez. Bah, ça se coupe comme une merde, je suis désolé. Non, mais c'est ni fait ni à faire. Qui a mis ce disque à l'antenne? Non, c'est proprement honteux. On va saluer notre auditeur du soir, ça Gabriel. Va, Gabriel. Gabriel. Ouais. Bravo, Gabriel. Ouais. Ah, merci. Ah, tu m'as tué ce soir avec tes vannes sur Katoche. Ouais. Tu as été exceptionnel. Gabriel, tu fais de la radio, toi? Ouais, j'en fais un peu, ouais. Eh ben arrête tout de suite. Arrête, c'est une connerie. Tu fais une connerie, mon pote. Non, t'as aucun talent, tu n'y arriveras pas, Gabriel. Arrête, mais bien sûr qu'on t'encourage. Où est-ce qu'on peut t'écouter, Gabriel? Vite. Bah, en fait, moi je fais de la radio avec Tom Libre Antenne. D'accord, ok. En fait, et voilà. Vous êtes où à la radio, vous? En fait, il est à Verdun et en fait, je vais peut-être faire des chroniques avec lui là, à la rentrée. Et puis voilà, enfin, je peux pas trop en dire en fait. Mais, ah, d'accord. Surprise. Pas trahir de secret. Bien sûr. Mais écoute, voilà. On t'encourage, t'as été super fort ce soir. Bravo, Gabriel, et merci. Salut. Merci d'avoir été avec nous. Bisous. Salut Gabriel, on va retrouver les filles bien sûr. Elles sont là, salut les filles. Night Show, bonsoir les filles, oui. Ça va bien? Salut. Un bon petit week-end? Très bon. On est sortis, on s'est fait des mecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, ça a été un petit peu de tout ça, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, un petit mélange de tout ça. Ah, voilà. Toi aussi, Marion, t'es fait des mecs? Je suis sortie. Ah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, oui, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis la moitié, je suis sortie, donc Enzo, c'est l'autre moitié, voilà. D'accord, j'ai couché. Voilà. Non, ah ouais, mais non, moi j'ai pas. Non, j'ai fait un bisou, moi, c'est tout. T'as fait un bisou? Ouais, j'ai fait un bisou. Moi. Tu fais souvent des bisous? Ouais, je fais un bisou. Hein, t'es très bisou, t'es fait c'est bisou. C'est un bon début. Mais à personne, enfin, ça ne regarde personne. Non, bien sûr, c'est secret, allez. Mais non, mais c'est que dalle. Pourquoi tu veux tout savoir comme ça? Précieux, attends, je m'intéresse. Tu t'intéresses à elle? T'es jaloux, il y a quoi? T'as un problème? Ouais, absolument, ouais, je suis jaloux, ouais. Ouais. Bon, bah, oui. Allez, viens me faire un bisou. Ok, j'arrive. Ah, il va en plus. Il change de studio, s'endouille et il va lui rouler une pelle. Donc, genre, Karel va rouler une pelle à Anne-Sophie. Oh là là. Voilà, ça y est, une galoche, ça y est, il lui a roulé une pelle avec elle la langue. Sa tête, voilà. C'est ah bon. Oui, j'ai tourné ma tête, il me fait peur. Non, t'as tourné la tête pour qu'il te roule une pelle. Je rêve. N'importe quoi. Oui. Bon, bah, j'ai c'est, vu, c'est j'ai bon. Vu à travers la vitre. Ouais, bah ça y est, ça c'est fait. Hein. Bon, bah moi, j'ai la gaule. Allez, salut. Salut. À demain. Avant le dimanche, c'était téléfoot, repas de famille chez les grands-parents, interminable. Michel Drucker, un film le soir qu'on a vu 22 fois. Un bon dimanche bien moisi, comme on les connaît, quoi. Alors moi, j'ai décidé de casser la routine. Tiens, viens là, la routine. Donc, pour un dimanche réussi, vous allumez votre radio et vous écoutez le Night Show de Marion Yanso. Ça commence quand? Eh ben, maintenant. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Marion et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. On est de retour. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Fun Radio. C'est Marion et Anso, le Night Show. On est en direct évidemment comme chaque soir, là, du dimanche au jeudi, les 22h03. Et c'est un kiff de passer nos dimanches soirs avec vous. Je crois que c'est le jour qu'on préfère. Ouais, c'est vrai. On n'aime pas le cafard du dimanche. On est là pour le combattre avec vous. Donc voilà, on va passer une petite soirée bien sympa avec un très gros programme, c'est promis. Un programme de malade. Mais est-ce que t'as passé un bon week-end, Marion, toi? J'ai passé un très bon week-end. J'ai fait des trucs un peu bizarres. J'ai fait une soirée hypnose hier soir. Une soirée hypnose? Oui. On a fait ça avec Amir et pas mal de potes. Et en fait, on a fait venir un hypnotiseur. Et alors, il s'est passé un truc incroyable parce que tu sais que moi, je déteste ce genre de truc. Oui, parce qu'on avait déjà fait venir un hypnotiseur l'année dernière. Ouais. Et je m'étais fait hypnotiser plusieurs fois. Voilà. Et donc, moi, ça m'angoisse. Je refuse de le faire. Sauf que là, il a réussi à m'hypnotiser à distance. C'est-à-dire que je le regardais en train d'hypnotiser une nana et moi, ça l'a fait sur moi. Et je suis partie dans des fous rires, mais c'était extrêmement gênant. C'était, je sais pas, je me suis jamais sentie comme ça, hyper fatiguée, hyper bizarre. Et du coup, j'ai super mal vécu cette soirée, mais je l'embrasse fort. Il s'appelle Mehdi et il est super fort. Faut qu'on le fasse venir ici. Hein. Mehdi, bisous sur Facebook, mais il faut qu'il t'hypnotise, Anso. Moi, ça suffit. Ça suffit. Vous me l'avez déjà fait deux fois l'année dernière. Et c'est effectivement extrêmement épuisant. Quand tu sors de ça. Ouais, mais c'est deux heures après ça. Anso, elle est géniale parce qu'elle sait faire aucun accent, mais quand elle est hypnotisée, elle parle créole couramment. Non, je vais vous retrouver le son. Si, c'est génial. C'est hyper bien. Fait, donc voilà, on va se faire une soirée hypnose, ça va être hyper sympa avec des auditeurs et tout. Bon, bah puisque j'ai pas le choix, voilà. En tout cas, ça va se faire dans les prochains jours. Ce soir, en tout cas, on va parler de TOC, on va parler de relations virtuelles et puis des choses aussi qui vous repoussent au lit. Oui, ça peut arriver. On aura aussi le Wesh C'est Qui avec votre iPhone SE à gagner. Il y aura le retour du Pokélost aussi. Et puis vous venez passer avec nous deux heures ensemble, le rendez-vous des poteaux. 01 42 48 5000 pour faire la radio avec nous. Voilà. Est-ce que vous voulez du bon son? Vous me dites oui, vous me dites non? Ah, oh, moi ouais, je te dis oui, carrément. Allez, ce soir, je vous propose play. Un Patrick Bruel là pour commencer le son d'Anne Florence qui s'emballe. Non, bah, écoutez, Sia et Kendrick Lamar, on adore ça. Bon, cela dit, un petit Patrick, ça passerait bien aussi. Hein. Oui. Pourquoi pas? Il y aura aussi le tout dernier Martin Garrix sur Fun. Il est hyper sexy ce titre. Ouais, mais ce titre, il te donne pas du tout envie d'aller en cours le lendemain. Tu vois, c'est un son de vacances, ça. Eh ben, faites comme si vous étiez en vacances. Voilà. Qui fait encore ce soir. Bonsoir, Amir. Salut les filles, comment ça va? Bah alors bien, et toi, raconte-nous cette soirée hypnose. Bah écoutez, je vais pas vous raconter la même chose que Marion Gagnot ici présente. Moi, ça ne marche pas sur moi l'hypnose. Ah, oui, t'as essayé? Non, j'ai pas essayé parce que mes potes voulaient tous essayer avec le mec, je le connaissais, mais j'ai essayé plusieurs fois avec même avec Mesmer, j'avais essayé aussi. Ouais. Et ça ne fonctionne pas. Il se passe absolument rien. Eh bah t'as bien de la chance, crois-moi. Ouais. Et du coup, bon bah malheureusement non, mais je vous. Tiens, c'est dommage, j'avais vraiment envie d'essayer de tomber un peu dans l'espèce de coma là. Et donc du coup Marion était morte de rire de bout en bout. Marion, j'ai des vidéos sur mon iPhone. Non mais c'est bon, c'est bon. Elle veut pas que je les mette en ligne. Attends, mais moi je voulais voir. Bah tu vas les regarder. Mais... Elle est dans un état, elle a le nez rouge, elle a les yeux rouges, elle pleure. Elle pleure de rire. Ouais, mais du coup ça m'a un peu réconcilié avec l'hypnose parce que je trouve que l'état est assez kiffant finalement. Tu te sens comme détendu. Mais bizarre, mais détendu. Ouais, c'est un peu étrange comme sensation. C'est Enfin bref, je voulais vous parler d'un truc, les filles. J'ai découvert une nouvelle application et elle est plutôt sympa. Vas-y, dis-nous. Week-end, dit sortie, tout ça. Dit souvent, on a bu et puis on a perdu le téléphone. Et ben, il y a une application qui permet de retrouver ton téléphone et en plus d'avoir une photo du voleur. Mais non. Ah bon? Ouais. C'est quoi? Ça s'appelle Lockout. Et en fait, dès que tu fais le code du téléphone trois fois, ça se bloque. Ouais. Et ensuite, enfin, c'est déjà bloqué. Mais du coup, ça active une photo en selfie, ça te l'envoie sur ton mail et ça t'envoie la position géolocalisée de ton téléphone. Ah, c'est vachement bien. Ouais. Donc, le mec, il faut qu'il ne connaisse pas ton code, quoi, c'est ça? Bah, ouais. Ouais, c'est-à-dire, faut pas que ce soit ta meuf qui vole le téléphone. Ouais, voilà, ok. Ouais. D'accord. Et du coup, ça existe en France? Parce que en général, tu nous parles d'applications qui sont pas dispo en France. Eh bah, tu sais quoi? L'application, elle existe en France, mais en plus, elle a été faite par une entreprise française. Ah, merci, Amir. Redis le nom de l'appli? Elle s'appelle Lockout. Lockout. Ok, on va aller voir ça. Look, merci, Amir. Lockout. Et puisque tu es le spécialiste des applications et des réseaux sociaux, sachez qu'on a dépassé les 114 000 sur la chaîne YouTube. Merci. Marion et Anso. Et là, j'ai un nouveau défi. J'ai envie qu'on passe les 100 000 sur Facebook là. Moi aussi, ça me saoule. Ça monte doucement mais sûrement, mais là j'aimerais bien, et je vous promets un truc de ouf, une vidéo Facebook pour les 100 000. Oui, Amir. Et puis il y a la vidéo de Black M avec MH2 qui l'a piégé. Bah, il y a toutes les vidéos de Black M d'ailleurs qu'on a reçues jeudi soir qui sont en ligne. Allez voir, on a passé un super moment. Bonsoir Thibaut Alaria. Comment vous m'avez grave manqué. Ouais. Ça franchement, va bah, ça va. Du coup, je vais passer mon week-end à regarder toutes les photos Instagram d'Anso comme elle n'était pas avec moi. Quant à toi, bah, j'ai regardé ta dernière vidéo sur ta page YouTube Oh, Marion Facecam et bah, je l'ai mis en boucle tout le week-end. Mais c'est pas possible. Eh, il a cru que c'était de musique, le gars. Bah, merci, mon pote. Ça me fait plaisir en tout cas, même si c'est faux. Non, je jure, j'ai kiffé vraiment. T'es mignon. Bonsoir, Enzo Standard. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, tout le monde. Il va bien, celui-là. Ouais, super. Je suis content. J'ai bricolé ce week-end et j'ai fini mon vélo. Enfin. Ah, enfin. Parce que enfin. Ça fait quand même des jours et des jours qu'il arrête pas de parler de son vélo. Ça fait deux mois. Donc maintenant, tu vas venir au boulot en vélo. Ouais, je vais essayer de venir demain en vélo, mais ça va être compliqué sur le retour vu qu'il fait nuit, mais on va essayer. C'est bien, Enzo. Bravo, ouais. Tu es sportif. Ouais, challenge. Présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Sandy, elle a 42 ans, elle habite à Colmar. Et ce week-end, les filles, elle a vu quelque chose que personne voudrait voir. Ah. Bonsoir à toi, Sandy. Salut Marion, salut Enzo. Bonsoir Sandy, ça va ? Ça va, merci, et vous ? Bah très bien, qu'est-ce qui s'est passé à Colmar là, ça nous inquiète ? Bah écoute, je suis un petit peu gênée, donc moi j'ai un ado, préadolescent à la maison, et en fait je ne savais pas qu'il était dans sa chambre, et je rentre dans sa chambre pour aller la ranger, bien évidemment, parce que c'est un peu le bazar, et en fait je l'ai surpris en train de se masturber. Non. Dans sa chambre, donc pour la première fois, parce que je pensais pas du tout à ça de sa part, et j'ai été très très très mal à l'aise, donc j'ai refermé la porte très très vite. Mais on voit bien. Et du coup, on s'est recroisé après. Il m'a rien dit. Je lui ai rien dit. Donc, je ne sais pas du tout comment réagir face à cette situation. Je suis en fait très gênée. Très, très gênée. Ouais. Alors, effectivement, c'est horrible. Vous êtes déjà fait surprendre par votre père ou votre mère dans l'équipe ? Non, jamais. C'est l'angoisse totale. Je peux même pas imaginer ça. Oh non. Non, ou alors je le sais pas, mais je pense pas. Après, c'est normal aussi à leur âge, non ? Bah oui, c'est normal. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait ? T'as désamorcé direct après ? Tu lui en as parlé ? Non, bah justement, je lui en ai pas parlé. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai continué avec les occupations quotidiennes. Ça va, mon chéri ? Non, j'y arrive pas à mettre un mot sur ce que j'ai vu parce que je suis rentrée dans son intimité et voilà. Mais c'est mon fils aussi. Grave. Ils le font tous, il faut surtout pas le mettre mal à l'aise et il faut pas qu'il pense que c'est une connerie, tu vois, c'est normal, c'est de son âge. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah oui, je comprends bien. Oui. Sandy, non, j'allais dire un truc vraiment horrible, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Vas-y. Et bah, touche-toi devant ton fils quand oh même. Ça va pas la tête, mais elle est folle. Mais c'était une blague, évidemment. Bon, Sandy, si ça va pas mieux, s'il est gêné, s'il y a un souci, tu nous rappelles, mais je pense que ça va passer tout seul. Ouais, ok. Bah, en tout cas, merci pour les conseils, les filles. Je vous tiens au courant. Trop mignon. Eh ben, tu rappelles quand tu veux, tu es la bienvenue. Bisous. D'accord, super. C'est gentil. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Bon, salut. Restez avec nous, puisque ce soir, j'ai oublié de vous dire, mais il y aura le smoothie du dimanche. Hein. On a réuni tous les ingrédients que vous nous avez proposés cet après-midi sur les réseaux sociaux. Et on va boire ce smoothie du dimanche. Dans l'intérêt de quoi ? Eh bien, de simplement lier notre amitié. Oui. Et de vomir un bon coup de manière collégiale. Oh. Ça va être très sympa. Et puis, vous vous souvenez, jeudi soir, on recevait le sosie de Black M en studio. Oui. Qui participait. À qui sera le meilleur Black M. Et ça nous a donné une idée. Est-ce que vous êtes le sosie de quelqu'un ? Est-ce que vous êtes le sosie vocal de quelqu'un ou physique ? Dites-le nous. J'adore. 01 42 48 5000. On va assister à des grands moments de gêne avec des imitations dans l'équipe. Ça va être cool. Oh merde. Et puis tout de suite pour le son, on écoute Soprano qui va venir nous voir. Tiens. Ah oui, semaine prochaine. Il est comment lui ? Il est trop cool. Soprano sur Fun. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Le DJ me fait passer boum dans la lucarne. Sors de la piste, fais une grande picard de bandage. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je donne Kofi. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises rien, si tu me parles rien, si tu me touches rien. Je suis en feu, car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, croise, viens, viens. Si tu me parles, viens, viens. Si tu me touches, viens, viens. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Le Night Show et je vous ai retrouvé les sons d'Anso complètement hypnotisés. Alors écoutez bien, elle pensait parler créole couramment et ça donne ça. J'aime bien Portifun. C'est beau, hein. Je vais dormir. J'adore celui-là. Je vais dormir. Je comprends pas. Et franchement, tu le tiens un peu parce que au naturel, tu peux pas le faire. Non, j'arrive pas à le faire, mais surtout que ça rend. Moi, ça me rendait un peu triste. Je comprends pas. Ouais, après, c'est vrai. Hein? Ouais, t'étais toute morose, t'étais ouais, pas bien. Après, j'étais pas bien. Et à un moment donné, il t'avait dit écoute, à chaque fois que Marion prononcera tel mot, tu seras folle d'amour pour elle. Genre, ouais. Voilà, ce sera ton idole et tout. Et t'étais trop mignonne, tu pleurais, tu venais me voir, tu disais mais je t'aime trop. Ça me fendait le cœur, enfin bref. C'était sympa. En tout cas, si vous voulez, régalez-vous sur les chaînes YouTube Marion et Anso. On voulait parler des sosies avec vous, puisque donc jeudi soir, on a reçu le sosie de Black M. Et donc, on s'est dit, tiens, peut-être que parmi nos auditeurs, vous avez des talents, vous êtes le sosie physique ou vocal de quelqu'un. Alors, peut-être faisons un tour d'équipe avant. Moi, on m'a déjà dit que je ressemblais à Alizé. Alors, je sais pas si c'est vrai, pendant une époque, elle avait la frange et tout. Ouais, un peu, parce qu'elle est brune, ouais, vite fait, quoi. Vite fait, quoi. Toi, on t'a dit qui ? Moi, on m'a dit une ou deux fois Marion Cotillard. Ok. Impossible. Tu t'inventes une vie. Mais non, je te promets. Mais il y a des gens qui m'ont dit peut-être que quand je portais une cagoule, mais effectivement, Marion Cotillard. Il y a aucun trait en commun, il y a rien. Bah, alors si tu veux, on m'a dit aussi que je ressemblais à une tête de bite. Voilà. Là oui. Là on comprend. Amir, est-ce que on t'a déjà confondu avec quelqu'un? Ouais, mais si je vous le dis, vous allez pas croire. Bah vas-y. Vous êtes sûr? Oui. Brad Pitt. Mytho, pas possible. N'importe quoi. Thibaut à l'arrière, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un? Moi, on me le dit à chaque fois depuis le collège que je ressemble à Sid de l'âge de glace. Ah ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Enzo? Ouais, moi, on me dit que je ressemble à Nekfeu. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un délire. Ouais, un petit délire. Il y a un petit délire Nekfeu quand même. Vite fait. Parce que j'ai une casquette et des cheveux longs, quoi. Voilà, c'est ça. Rapprochement est vite fait. Ça s'arrête là. Bon, bah, vous appelez-nous 01 42 48 5000 et je sais que nous venons de recevoir un coup de fil au standard qui est énorme. Les gars, je vous le dis. Nous avons le sosie de Johnny Hallyday. Ah oui, ouais. Lourd. Allez, bougez pas, on revient tout de suite sur Fun Radio. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Pour vous régaler, bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, évitez de grignoter. Tous les soirs, 22h minuit, here we go! Marion et Anso, le Night Show. Sur Fun Radio. Hashtag le Night Show pour réagir à l'émission. Ça marche aussi sur Facebook, on lit là tous vos MP. Dites-nous à qui vous ressemblez. Voilà, une star connue ou pas trop connue d'ailleurs, mondiale, française, n'importe, chanteur, acteur, qui vous voulez. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous l'a dit, ça peut être tous vos potes, ça peut être vous-même. Vous trouvez que vous ressemblez à quelqu'un. Oui, c'est ça. Et le mieux, c'est de nous envoyer une petite photo qui va avec, ça passe toujours bien comme ça, quoi. Oui, parce que sinon, vous pouvez nous dire que vous ressemblez à la plus belle personne du monde, alors qu'en fait, pas du tout. Exactement, voilà. Bon, on a au téléphone Johnny Cadillac qui est avec nous. J'adore. Bonsoir Johnny. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, vous allez bien? Là on peut pas se tromper, ça nous fait hyper plaisir de vous recevoir Johnny. Oui, moi aussi. J'adore, j'ai vu plein d'émissions télé avec vous, je peux te tutoyer? Oui, pas de soucis. Il lui ressemble vraiment hein, les gars, c'est le même gars, déjà la voix c'est la même. Ouais. Mais physiquement, franchement, bah t'es le même. Il y a des gens qui le disent. En tout cas, j'ai été sélectionné chez Christophe de Chavannes, tu sais, sur à peu près une trentaine de sosies, ouais. Quand on a fait qui sera le meilleur sosie en 2012. Ouais. Et c'est moi qui suis passé en finale, donc tu vois, c'est que quelque part, il y a un petit quelque chose. C'est énorme. Et ça veut dire que tu vis de ça au quotidien, j'imagine, tu fais des concerts et tout? Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, à l'heure actuelle, j'ai 66 ballets, tu vois, donc je suis pensionné, donc je peux me consacrer à toute la journée, tout le temps, à ma passion qui est d'interpréter Johnny et de lui rendre hommage. T'es fan de Johnny depuis toujours? Depuis l'âge de 9 ans, et tu vois, j'en ai 66. La question que je me pose, est-ce que parfois, quand j'imagine que des gens viennent te voir dans la rue, ils te prennent pour le vrai Johnny, est-ce que tu désamorces, tu dis que c'est pas toi, ou est-ce que t'en joues, tu dis que oui, c'est moi? Bah écoute, non, bah, écoute quand ce sont des enfants qui me disent tiens monsieur vous êtes le vrai Johnny Hallyday, quand ce sont des enfants je les laisse rêver parce que c'est vrai que c'est bien de vivre avec des rêves. Ah, c'est beau. Mais c'est quand, quand ce sont des adultes en fait, je dis écoutez non je ne suis pas le vrai, je suis un sosie, je suis Johnny Cadillac, mais c'est vrai que Johnny Cadillac elle commence à être connu un petit peu partout, aussi bien dans toute la France que dans toute la Belgique, tu vois, donc les gens, même en sachant que je ne suis que Johnny Cadillac, le petit sosie de Johnny Hallyday, ils viennent près de moi et ils demandent à faire des photos et voilà quoi. Et est-ce que tu as rencontré le vrai Johnny et comment il a réagi? Bah écoute, j'ai une petite anecdote que je raconte à chaque émission que je fais, j'en ai déjà fait pas mal sur toutes les chaînes françaises. Tu boulins. Et moi j'ai rencontré Johnny quand j'avais 15 ans, donc tu vois, ça date quand même de quelques années, il y a plus de 50 ans, j'étais barman à Saint-Tropez. D'accord. Et alors, je travaillais dans une petite boîte à côté du Papagayo sur le port de Saint-Tropez qui s'appelait l'Alfie Club à l'époque. Et c'était une boîte VIP, tu vois, il n'y avait que les gens du show business qui pouvaient entrer, c'était un club privé. Ouais. Et un jour, je travaille là, et je suis en train d'essuyer mes verres dans le comptoir, d'eau au comptoir, et j'entends, écoute mon petit loup, est-ce que tu veux bien me donner un petit whisky? Et moi, je reconnais Johnny. La voix de Johnny, tu vois, je reconnais la voix de Johnny qui n'avait pas la voix que j'ai maintenant, ni qu'il a maintenant d'ailleurs à l'époque. Mais je reconnais la voix de Johnny, donc je me retourne complètement paralysé, tu vois, c'était mon idole, t'imagines quoi, je suis en face de mon idole. Ah le kiff. T'avais plus rien dire. Non mais il t'a appelé mon petit loup en plus quoi. Ouais, oui, il dit mon petit loup. Et puis il me regarde, il me dit mais t'es nouveau toi ici? Bah je dis ouais, je viens d'arriver, j'ai dit il y avait une semaine que j'étais là. Il me dit tu viens d'où? Moi je dis de Belgique. Oh Belgique, il me dit ça c'est mon pays de prédilection. Il me dit moi je suis à moitié belge, donc j'aime ça, j'aime les Belges. Qu'est-ce que tu bois toi? Je dis bah tiens, un petit whisky. Et toi? Et moi, un petit whisky aussi, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez parlé genre en mode meilleur pote, quoi. Ouais, bah oui, on s'est pris une tatane, on s'est pris une cuite carabinée tous les deux. Johnny Cadillac, tu te doutes bien qu'on t'a au téléphone, on ne va pas pouvoir te laisser partir sans une petite démo vocale. Bah, si tu veux, mais bon, je te dis tout de suite, j'étais en concert hier, donc j'ai la voix un petit peu pétée. Mais c'est pas grave, tu nous fais un petit 10-15 secondes, tu veux, sur quel titre? Bah, je sais pas, c'est celui que tu veux. Bah, j'aimerais bien Tennessee, tiens. Ouais. Eh bah, c'est parfait. Ouais, c'est bien, plus tout le monde connaît. Allez, vas-y. Ok. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ce désir fou de rencontrer la nuit. Tu vois, c'est des petits trucs, mais bon. Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. C'est pas mal. Et on perd. Deviens comme un espoir, car dans tes mains, je meurs chaque soir. Omarie, c'est la plus connue, en fait, non? Ouais, Omarie. C'est tout. Non, c'est pas la plus connue. Hein, tu sais, la plus connue, c'est Allumer le feu. Vas-y, fais-nous un petit coup d'Allumer le feu, là. Tourne le temps à l'orage. Revenir à l'état sauvage. Penser les portes, les barrages. Oui, sortir le loup de sa cage. Pas mal. C'est bien, c'est frais. Et juste, Johnny... Il manque à Allumer le feu, quand même. Bah, il a plus de voix, il était en concert hier. Mais Johnny, Marion qui est avec moi imite extrêmement bien Johnny et j'aimerais savoir ce que t'en penses. C'est dur. T'es prêt ou pas? Ouais, vas-y, allez. Salut, c'est Johnny. Ouais, mais t'es sûr que c'est Marion? Moi je pensais plutôt à Laurent Garra, là, tu vois. Ah, bon. Gérard peut-être. Ah oui, non, bah, c'est déjà pas mal, c'est un compliment quoi. Bah, mais Johnny, oui, Johnny, c'était cool de t'avoir au téléphone. En tout cas, bonne continuation à toi, on t'embrasse très fort. Bah vous aussi, vive Fun Radio, quoi, c'était une super radio. Mais vive Johnny. Merci, merci Johnny, bisous. À bientôt. Salut. Salut. Super sympa Johnny Cadillac, hein. J'adore. Ouais. On a Hugo de Tarbes qui nous a appelé aussi. Bonsoir à toi Hugo. Salut Mario Enzo et salut toute l'équipe, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Hugo, tu as quel âge toi? J'ai 19 ans et demi. D'accord. Et tu penses être le sosie physique ou vocal de qui? Il y en a deux, vocal déjà. Il y a Claude François et Pépère. Ah, et Pépère. D'accord. Ah, mais attendez, c'est que des références de Yeuf, là. Claude François, quoi. Ok. Et bah pourquoi pas, c'est bizarre à ton âge, mais je veux bien tenter. Tu peux chanter un petit bout? Oui, de Allez. Pépère. Non, de Claude François, d'abord. Ah. Je me lève et je te bouscule. Oula. Tu ne te réveilles pas. Ah non. Non, mais Hugo. Quoi? T'as pas beaucoup bossé le. Non, Claude François. Claude François, on te le prend pas celui-là. Non. Hein. Ok. Bon, Pépère, c'est-à-dire que tu limites quoi? Quand il chante ou quand il parle? L'opéra trash. Ah oui, alors ça c'est vrai que Pépère avait fait un opéra trash à un moment, c'était un devoir du night show, donc il avait chanté. Écoute, on va voir, tu peux nous en faire un petit bout Pépère, juste pour voir? Ok. Ouais, j'ai essayé de pas perdre l'accent. C'est moi la vedette, ok? Vas-y, on va comparer comme ça, vas-y Pépère. Je suis Pépère. D'accord. Je suis parfois vulgaire. C'est bon, okay. Merci Pépère. Et toi Hugo, vas-y. Je suis Pépère, je suis parfois vulgaire, mais j'ai une peur, une énorme peur de coups. Mais alors Hugo, rassure-moi, t'es en train de faire des études et t'as choisi un métier, mais pas imitateur. Non, c'est pas si mal. C'est pas si mal. En plus, c'est dur au téléphone. Moi, je pense que tu le tiens très bien, Pépère. Bah, je pense que tu tiens mieux Pépère que Claude François. Hein. Pépère, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je pense que c'est un bon imitateur. Ouais. Maintenant, faut voir sur le gémissement. C'est pas le gémissement. Et aussi, juste. Oula, oui. Je sais faire. Quand toi, elle fait le pourquoi tu m'appelles, elle fait souvent la voix de la petite fille. Oui. Salut. Et moi, j'arrive bien à le tenir. Ah, bah, vas-y. Bonjour, Louis. D'accord. Comment tu t'appelles? Bon, alors Bichon, je vais te dire la vérité parce qu'ici on dit toujours la vérité aux auditeurs. Tu es hyper sympathique, t'as l'air vraiment adorable, mais tu imites vachement mal. Hugo. Ok, oui. Bah non, chérie, faut pas être vexée. Nous on te dit la vérité, mais c'est pas pour ça que t'as pas d'autres talents. T'as plein de talents et surtout t'es très drôle. Mais la petite fille d'Anso, tu vois, il y a que elle qui peut le faire, même moi je sais pas le faire. N'importe quoi, t'es un méchant chat, Hugo, t'es un méchant chat. Tu vois? Oui. Bon, hey, poteau, tu sais quoi? Tu vas nous rebosser tout ça et je suis sûre que tu vas t'améliorer. Ok. Et on est avec toi. Je peux passer une dédicace? Oui, évidemment. Dédicace à Chloé, alias pas de stress, à Point Est du 91. Ok, eh ben, on l'embrasse fort et toi aussi. Bisous. Allez, toi, mon Hugo. Ciao. On a... Merde, les gars, je crois qu'on l'a un peu fixé. Non. Il y a Christelle de Lille qui est avec nous. Bonsoir, Christelle. Salut les filles, salut toute l'équipe. Comment ça va, Christelle? Allô. Bah, ça va super, et vous? Bah, très bien. Dis-nous, est-ce que tu es le sosie de quelqu'un, toi? Alors, moi, j'ai mes amis qui disent que je ressemble à la chanteuse Jennifer. Ah, la chance! The Voice, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et j'ai même une petite anecdote. Dis-nous. C'est que, en fait, j'étais partie en boîte avec mes copines. Mm-hmm. Et en fait, il y a le patron qui m'a prise pour Jennifer. Arrête, ouais. Ah, si. Et du coup, voilà, comme j'avais déjà profité un peu de la soirée avant, j'étais. Voilà. Un peu aimé. Et quoi, j'avais quelques petits verres. Et du coup, le patron qui me dit « Ah, mais c'est Jennifer et tout. » Et du coup, j'ai joué le jeu. Toi, nickel et tout. Et du coup, avec mes amis, il nous a installés au carré VIP. on a super bien profité de la soirée. Il nous a même offert la bonne bouteille de champagne et quelques verres. Et il nous a même mis un vigile avec nous, quoi. Vraiment en mode Jennifer, attention, voilà. Qu'on ne vienne pas nous déranger et tout. Et franchement, mais mes copines, elles n'en revenaient pas. Mais imagine, ils t'auraient demandé de chanter, tu sais. La honte. Ouais, mais dans ces cas-là, tu peux toujours dire « Ouais, mais non, parce que je veux préserver ma voix, tu vois. » Mais carrément, c'est ce que j'ai fait, en fait. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit « Ah, mais vas-y, tu veux faire une petite démo et tout par rapport à ton dernier titre. » Non, non, c'est bon, merci. Je veux venir tranquille avec mes amis, profiter et tout. Et à la fin de la soirée, une fois tôt le matin avant de partir, il est venu me voir discrètement, il fait « Mais s'il te plaît, tu pourrais me faire un tweet et tout, s'il te plaît ?» Et j'ai fait « Oui. » Je lui ai fait « Oui. » Et puis après, je vais aller, les filles, venez, on se barre. Il a dû se dire « Mais la connasse, elle m'a jamais tweeté, Jennifer. » sans doute, c'est même sûr, mais tant pis. Hein. En tout cas, on a bien profité, voilà. Je comprends que t'en aies profité une soirée, après faut pas trop le faire parce que le pauvre, t'imagines, il s'est quand même fait avoir et tout, donc joue pas trop. Non, puis même pour Jennifer, tu te dis, elle est pas cool et tout, alors que, tu vois, c'est pas pas elle. Oh, mais oui, mais bon, après, il peut aussi penser, voilà, elle a peut-être oublié, enfin voilà, mais écoute, voilà, pour une soirée, ça fait plaisir, voilà, à boire gratos, on s'est bien amusé, on a bien profité. On comprend. Voilà, ça n'arrivera pas tous les jours. Eh bien, écoute, petite Jen, je t'adore dans The Voice, sache-le. Moi, je suis Team Jennifer. Merci de nous avoir appelés. Bisous. Eh bien, moi, je vous adore, les filles. Bisous. Bisous. Salut. Salut, Christelle. Il y a Inès aussi qui vient juste de nous appeler. Alors, Inès, elle a un talent, elle chante. Ah, bonsoir, Inès. Bonsoir, Inès. And I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca. And ah, I'm crazy, ouais. But you like it. Loca, loca, loca. Alors, ouais. Alors, Amir est sceptique. Si, Shakira, pas mal. Ah, si, j'en mets. Ok. You're a good soldier, choosing your battle, picking yourself, knocking yourself, snuffing your saddle. Bah oui, quand même. Si, si. Ah non. Waka waka, et si, si. Je valide. Ouais, moi aussi, franchement. Bah, c'est vrai? Pas moi, donc parce t'as que... pas gagné un incroyable talent. Là, mais si, mais c'est Shakira, quoi. Au téléphone, c'est dur, Amir, de se rendre compte, mais il y a quand même les intonations, je pense, qui sont pas mal. Ouais, ouais. Tu sais, on dirait qu'elle a tout le temps un truc bien au fond, profond dans la gorge. Tranquille, il a pas l'oreille musicale, c'est pas grave, genre. Trop mignonne, Inès. Eh ben écoute, nous, on valide. T'as quel âge, chérie, toi? Merci, bah j'ai 18 ans. 18 ans, c'est cool. Et t'habites où? J'habite à Lyon et je fais aussi Cœur de Pirate. Ah bah vas-y. Ok. Alors attendez. Alors, mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Là tu vois, là ouais. T'es bien. Là j'ai envie de t'applaudir. Ah, bravo. C'est vrai. Ouais. T'as rien gagné. Non, je sais, c'est pas grave. Inès, merci beaucoup. Franchement. Merci à vous. Tu chantes bien. Merci, je vous aime, moi. À bientôt, chérie. Bisous. Bisous, ciao. Inès. Alors là, on a Ben qui nous a appelé. Ben, il s'appelle Ben Jackson. Ah bon? Bonsoir, Ben. Il y a un indice. Bonsoir. Bonsoir, Anso et Marion. Bonsoir, Ben. Comment bonsoir. Ça va? Très bien. Je suis très heureux d'être au rendez-vous. Parce qu'on m'a appelé cet après-midi pour venir à votre émission. Et je suis très heureux d'y être. Eh bien, ça nous fait plaisir. Alors, est-ce que c'est toi, le sosie vocal de Michael Jackson? Alors, physique. Alors, je sais bien que j'ai la voix de Barry White. Non. Mais voilà, j'imite Michael Jackson, oui. De façon professionnelle. Est-ce ouais. qu'on peut avoir une petite démo là sur l'antenne de Fun Radio? Non. Non. Simplement parce que je suis un piètre chanteur et que ma spécialité, c'est le visuel. Et ah, la danse. Ah, d'accord. Ah, bah alors on va faire tourner. On a les gars. Mais par contre, j'aimerais bien vous entendre, vous, Anne-Sophie et Marion, chanter Billie Jean, par exemple. Oh, bah tu sais, je pense que la France le souhaite pas. Hein. Surtout ouais. qu'en plus, moi je comprends rien aux paroles. Billie Jean is not my love. Ouais, c'est pas mal. Et bravo. Du coup, Ben Jackson, tu vis de ça, tu fais des prestations. Et oui, j'ai de la chance d'abord d'être fan et d'avoir transformé cette passion pour Michael Jackson, que partagent certainement beaucoup de personnes, en travail. Voilà, donc j'ai de la chance d'être intermittent du spectacle et de vivre uniquement de mes spectacles. Et tu l'avais rencontré quand il était encore vivant? Oui. J'ai eu la chance de rencontrer en 2000, le 10 juin 2000 à Genève. Ça a été très très très court, hein, 3 minutes. J'ai eu la chance de danser devant Joe, le papa. À Cannes l'année dernière, j'ai également rencontré Germaine. Voilà, c'est toujours très intimidant. Enfin, pour moi, celui qui m'impressionne le plus, évidemment, c'est Michael Jackson. Cette brève rencontre de 3 minutes à Genève m'a transformé ma vie, vraiment. Écoute, en tout cas, merci de faire vivre un artiste comme ça, parce que moi, j'étais fan, j'adore. Oh, c'est gentil. Bravo à toi. À propos de ça, si vous me permettez, j'organise la nuit Michael Jackson. Donc c'est un grand rassemblement de fans, c'est une convention où j'invite des sosies, puisque je pense que le phénomène sosie intrigue toujours, donc il n'y aura pas que des sosies. Et ça se passera en avril à Lyon, vous pouvez aller voir sur mon site Ben Jackson. Voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu et ce serait un plaisir si je passe par vos studios de venir vous faire coucou un jour. Bah, tu es le bienvenu, Ben. Vous êtes gentil, merci beaucoup. À bientôt. Et bonne soirée. Avec sa voix, Ben. Merci. Bisous, Ben. Salut. Tu sais que je suis dégoûtée, moi j'avais pris des places pour le concert de Michael Jackson à Londres. Ouais. Puis bon, il est mort deux mois avant. Ah, triste. Ça, c'est vraiment la personne que j'aurais aimé voir au moins une fois en concert. Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie. Oh, la chance. Ouais. Où ça? Walt Disney, je l'avais vu. Arrête. Ouais. Ah, mais pas en concert, tu l'avais croisé comme ça? Ah non, ouais. En fait, il faisait un concert à Walt Disney à Paris. Et je devais avoir 7-8 ans. Et du coup, il est passé. Ouais. Et du coup, mais je l'ai vu quand même. Bon, je l'ai pas vu face à face, mais on était à la chance. 50 mètres, quoi. Trop de chance. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a vu Michael Jackson ou si, plus intéressant, il est le sosie de quelqu'un? Demandons-lui les deux. Allez, Pépère. Bah, oui, Pépère, il a vu Michael Jackson avec des potes. D'accord. Donc là, on n'a pas de vanne, on va passer à l'autre. Bah, Pépère, lui, il n'a pas de sosie, mais mes mères, elles ressemblent à Cruella d'un fait. D'accord, pourquoi? Bah oui, parce que quand Pépère, il met son sperme dans sa tête, elle a un côté noir et un côté blanc dans ses cheveux. Oh merde. Oh bah oui. Tu me dégoûtes. Eh oui, on dira Damasien. D'accord, tu me dégoûtes. Oui. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Wesh, c'est qui va débarquer. Puis l'équipe, préparez-vous, il y a le smoothie du dimanche aussi. Hein. J'espère que vous êtes très froid, qu'au standard, il y a 2-3 cœurs fragiles. Ah oui. Restez là, on se retrouve après le titre préféré de Marion, c'est Carla's Dream sur Fun. My flight's secret. Chicago, ça entra. Super la main, je dis. Eu te rog, să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Te tine de mine de noi, pentru că tu ești super la mea. C'est Marion et Enzo, le Night Show. Et ça, c'est Eva Simons qu'on va s'écouter tout à l'heure. Clairement, son du dimanche soir, ça. Hein. Oh bah ça, c'est tout, Maëva. Hein? Alors, moins glamour, on va aussi se faire le smoothie du dimanche tout à l'heure, les amis. Ah je sais, vous n'êtes pas contents, mais ouais, ça va arriver. Je vous rappelle quand même que dedans, on a de l'huile pimentée, on a du sourcil d'Amir, on a que des trucs dégueux, on a du pois chiche. Enfin bref, ça va vomir, on est d'accord. Mais je comprends pas l'intérêt, là. L'intérêt, en fait, c'est pas qu'on kiffe, on est d'accord. Non, mais on kiffe pas, mais on lit notre amitié. C'est de vomir, c'est tout. Non, l'intérêt, c'est de faire rire les gens. Est-ce qu'on n'est pas là pour ça, Amir? Oh, si. Eh ben alors, voilà. Vomir. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? Le Wesh c'est qui, le principe est très simple, vous devez faire deviner à papa ou maman 4 artistes sur 6 qu'on va vous donner avec Marion, vous donnez une liste, voilà. Donc vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, bien sûr sans donner le nom et le prénom de la personne, sinon ça marche pas. En tout cas vous pouvez gagner, qu'est-ce qu'on gagne Marion d'ailleurs? Un iPhone SE cette semaine, c'est juste énorme quand même. C'est quand même pas dégueu quoi. C'est pas dégueu. C'est quoi déjà la différence entre le SE et le reste, Amir? C'est une version un peu moins chère, voilà. Bah c'est vendeur. Tout aussi bien. Non, mais c'est pour les gens qui n'ont pas les capacités d'acheter des iPhones qui coûtent 1000 balles. Et bah du coup, tu peux avoir un produit vraiment cool mais moins cher. Parce qu'il a des fonctions tout aussi sympas que l'iPhone. Ah bien sûr, non mais bah, voilà. C'est pas du low cost hein. Bah non. Vous êtes chez Apple. D'accord, mais m'engueule pas par contre. Hein. On joue avec Louben Louban, je sais pas comment ça se dit. Bonsoir. Salut Marion, salut Enzo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, comment on prononce ton prénom? Louben. Louben, c'est joli, c'est de quelle origine? C'est ma mère qui l'a inventé. Ah d'accord. Ah d'accord. Et t'as des frères et sœurs, Louben? Non, aucun. D'accord, peut-être bon. Vaut mieux. T'as quel âge toi? J'ai 14 ans. T'as 14 ans, d'accord, et tu veux jouer avec qui, papa ou maman ce soir? Maman. Maman, elle s'appelle comment? Elisabeth. Ah, c'est un bien joli prénom, c'est également le prénom de ma maman. Exactement, et je rappelle à tous les auditeurs qui écoutent qu'Elisabeth est déjà en ligne avec Yannick, notre standardiste, qui est en train de l'occuper pour évidemment qu'elle n'entende pas les noms. Ouais, je crois que d'ailleurs il est en train de lui raconter des blagues de cul. Ah bah comme d'hab, c'est sympa, il adore. Et Elisabeth est très friande de blagues de cul, c'est ce qu'on me dit, le Ben. Bon, Bichon, est-ce que tu as de quoi noter? Je vais te donner les noms. Ouais, c'est bon. Pas très facile avec Anne-Sou, on s'est un peu lâché aujourd'hui, ouais. Hein, mais ça va le faire, je te sens bien, t'auras une minute. Tony Parker, c'est le premier. Ok. Tony Parker, Kenji Girac, ça c'est facile. Ouais. On va mettre le père Fouras. Ouais. Faut pas hésiter à faire des imitations, hein. Ouais, ça serait drôle. Le rappeur Jules. Ok. Jules, c'est pas Jules. Bon, ça va, je l'ai un petit peu francisé, quoi. Jules. La Fouine, on reste dans le rap. Et enfin, on va dire Shaim. Ok. Donc, Tony Parker, Kenji, le père Fouras, Jules, La Fouine, Shaim. Et tu vas avoir une minute, il te faut quatre noms. Ok. Ok. Allez, bouge pas, on récupère ta maman. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, les filles. Comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Bah, au top, alors. Oui, alors. Sympa. Alors, vous êtes prête à jouer avec Louben? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la première fois qu'il vous fait un coup comme ça, un jeu sur la radio? Oui, c'est la première fois, oui, effectivement, oui. Bon, en même temps, Louben, il est impayable. Ah ben, voilà. Mais bon, moi, il me fait écouter quand Anne-Sophie fait la petite fille au téléphone le soir et tout, voilà. Quoi. La petite voix traverse. Voilà. Bah vas-y, oui. Anso, démo. Salut, Betty, t'es une belle cochonne. Bon, Elisabeth, vous allez avoir une minute avec Louben. Concentrez-vous, il vous faut quatre noms. Si vous le sentez pas, vous passez. On peut revenir dessus après, donc faites comme vous le sentez, ok? D'accord, pas de souci. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Je suis prête. 3, 2, 1, top, c'est parti. West Tiki, c'est un basketteur, il est français, il joue à la NBA. C'est Tommy Parker. Oui. Ouais. Wesh Tiki, c'est un chanteur, il est gitan, il chante Rita. Kenji Girac. Wesh Tiki, il fait Fort Boyard, c'est le vieux dans Fort Boyard. Imite-le. Le père Fouras? Oui. Ouais. Wesh Tiki, elle s'est jetée de la scène à Bercy, elle fait. Et alors? Et qu'est-ce que ça te fait? Shaim. Ouais. Wesh Tiki, c'est un rappeur, je pense pas que tu connaisses, mais il fait Wesh Allah, Wesh Allah. Non, passe. Wesh Tiki, c'est un rappeur, il fait encore des musiques, il les a fait la team de... La Barbichette. La Fouine. Ouais. Eh, on est à combien là? Une minute? Bravo Louben, c'est bon. Gagné. Ouais. Super. Bien, mon loulou, je suis fière de toi. Bien, mon loulou. Quand même, les garçons, 5 bonnes réponses quand même. Franchement, pas mal du tout. Hein. Beau gosse. Bravo. Tu repars avec un iPhone SE, Louben. Elisabeth, j'ai quand même une question. D'où ça vient, cette invention de prénom, Louben, là? Ah, c'est moi qui l'a créé de toutes pièces, Lou, que j'aimais bien Lou, mais ça faisait trop fiche, je trouvais, et Ben de Benjamin, et je me suis dit, Lou Ben, d'accord. Comme ça, c'est, il est unique, et on l'entendra nulle part, et puis voilà. Mais vous étiez bourré, non? Non. Non, c'est hyper mignon, Lou Ben, ouais. Et juste, si vous avez un deuxième enfant, comment vous allez l'appeler? Ah, moi, je voulais une fille au départ, et j'avais le prénom de Janelle. Ah d'accord, bah faites pas d'enfants, hein, on s'arrête là. Ah non, c'est joli, j'appelle. Non, c'est hyper mignon, y'a pas de soucis. Ouais, le Janelle. On vous embrasse très très fort tous les deux. Merci, à vous aussi. Bisous, ciao. Bisous, à bientôt, au revoir. Amir, elle a bien fait de venir. On a entendu un lot de Janelle. Hein. C'était nul. Hein. Ah non, j'avais pas entendu. Non, mais c'était nul. C'est magnifique. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, on aura Valentin. Alors Valentin, il faut qu'on lui vienne en aide. Ça fait un an qu'il parle avec une fille. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais il est amoureux d'elle. Ouh là là. C'est un amour virtuel. Qu'est-ce que vous en pensez? L'avez-vous déjà vécu? Ce sont les questions que nous nous posons maintenant dans le Night Show. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Sia et Kendrick Lamar sur Fun Radio. Alors ça, c'est de la bombasse. J'aimerais bien dire à notre standardiste Yannick, qui vient de me déposer une dispense d'éducation physique et sportive pour ne pas boire le smoothie du dimanche, que ça ne marche pas. Oui, oui, il m'a vraiment mis ça. Il a dit... Et c'est quoi le motif? Alors, je sous-signais docteur en médecine Bénichou, lieu d'exercice Paris, dispense monsieur Yannick Vinel, mais je ne vois pas la raison, c'est quoi? Allergie, quelque chose? Reflux gastrique. Oui, alors, cela dit, c'est vrai, parce que ce gars, tout à l'heure, vous verrez sur la vidéo, on a fait la préparation du smoothie, on a tout filmé, et il avait des Roland, rien qu'à sentir le dos. Mais cela dit, moi, je me sens pas très bien en plus ce soir. Hein. Tout le monde va le boire, il n'y a pas d'exclus, c'est comme ça. Non, tout le monde. Et d'ailleurs, Amir, je balancerai un truc sur toi aussi tout à l'heure. Enfin, sauf si tu veux le savoir maintenant, Anso. Bah oui. Et tout à l'heure, Amir m'a dit que il y a deux semaines, il n'avait pas bu le smoothie du dimanche. Mais non. Il m'a dit, tu sais, si je le fais, moi, je suis pas bien toute la soirée, j'ai mytho. Ah non, mais là, t'es obligé, Amir. Hein. Bah oui, tu sais qu'il faut pas me dire ça, pourquoi, moi. Pourquoi tu fais ça? Mais toi, tu vas être obligé de le boire en entier. Dites-le nous avec le hashtag le Night Show si vous voulez qu'Amir le boive en entier. Non, mais de toute façon, je le ferai pas, vous êtes malade. Ouais, c'est ça. Voilà, mais quoi avoir, ouais. Encore. C'est ça, ouais. On a Valentin de Lyon qui est avec nous. Valentin a besoin d'aide. Bonsoir, Valentin. Salut Marion, salut Anso, salut Amir le mono. Le mono. Le mono. Ah, le mono-sourcil. Ah, mono-sourcil. Ah, ouais. Et Valentin, Valentin, t'es pour qu'Amir boive entier le smoothie du dimanche? Bien sûr que non. Bah, carrément. Alors, c'est Amir et Yannick qui vont devoir le boire en entier. Non, mais moi, Yannick, je veux pas parce qu'il vomit à chaque fois et moi, je peux pas. Tu sais très bien ce qui fait rire. Mais non, mais j'ai passé une sale nuit. Bon. Je vais aller aux urgences encore, ça me saoule. Tout le monde va le faire, les urgences, quoi. Le gars, ouais, le Valentin, pourquoi tu nous appelles? Alors, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai rencontré ma copine sur Twitter dans les suggestions une fois, donc je l'ai follow, m'a follow back, et on a parlé, machin et tout, et en fait, on s'est mis en couple, mais virtuellement, tu vois, parce que moi, je suis à Lyon, elle allait à Paris, donc c'est un peu galère, et en fait, le truc, c'est qu'on se parle un peu sur Twitter, enfin, on se parle beaucoup sur Twitter, tout le temps même, et un peu sur Snapchat, mais elle aime pas trop, et puis Facebook, bon, elle a pas. Et attends, juste, ça fait combien de temps que ça dure, ça? Un an. Oh. Et vous vous êtes jamais vus? Non. Bon, alors, Valentin, tu sais quoi, tu bouges pas. On va trouver des solutions à tout ça, là, dans un instant. Est-ce que vous avez déjà vécu des amours virtuels, vous? Un an sans voir quelqu'un? Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ouah, non. 01 42 48 5000. Appelez-nous pour essayer de conforter un petit peu Valentin. Et puis, appelez-nous aussi pour mettre un petit peu la pression à Amir pour le smoothie du dimanche. Mais voilà. Allez, bougez pas, on vient tout de suite. Diplo. DJ Snake. Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Banzai Noodle de Lustre Cru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler, bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustre Cru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ben Hur. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. Let's go! Fun Radio! Salut, c'est DJ Snake. Sur Fun Radio. Mettez Fun Radio à fond! Fun Radio. Le son dance floor. Wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Salut, c'est Soprano. De 22h à minuit, c'est le Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Et Sopra sera notre invité le 20, les gars. Le 20, c'est bientôt, ça. Ouais, ben c'est pas mardi là, c'est l'autre d'après. Bon, je vous promets qu'on lui réserve du très lourd à Soprano. Il va pas être déçu. Voilà. Et il nous fera son live, évidemment. Moi, je suis trop contente parce qu'à chaque fois qu'il vient dans cette émission, on se marre. Il est hyper cool. Il est super bon client. En fait, c'est un... il est comme toi. Tout le fait marrer. Ouais. Gentil chat. Oui, gentil chat. On était avec Valentin de Lyon. Alors Valentin, il lui arrive un truc. Il a rencontré sa meuf sur Twitter. Ils ne se sont jamais vus. Ça fait un an qu'ils parlent et qu'ils ont décidé de se mettre en couple, mais ils se sont jamais vus. Alors Valentin, raconte-nous. Elle habite où et toi, t'habites où déjà? Elle habite à Paris et moi, j'habite à Lyon. D'accord. Mais alors attends, parce que un an, je veux bien quelques mois et tout, mais un an, je veux dire, il y a des vacances. Il n'y a pas eu moyen de se rencontrer avant. Ah, tu sais, le TGV, ça coûte super cher hein, pour je aller sais. À Paris. Donc, ouais, voilà. Mais t'as d'autres alternatives. T'as le Blablacar, t'as plein de trucs. Hein. Maintenant, ça te coûte que dalle hein, de prendre du covoiturage. Ouais. Moi, je fais ça parfois pour aller à Nantes et je vous cache pas que j'ai des anecdotes croustillantes avec les gens qui te conduisent. Hein. C'est vrai, il faudra qu'on en parle. Ouais. On fera un dossier un jour là-dessus. Ouais. Mais juste, Valentin, je me pose une question. Ça veut dire que pendant un an, là, depuis un an, toi, t'as vu aucune autre fille et elle, physiquement, elle a rien fait avec aucun autre garçon. Bah. Elle, j'en suis pas sûr, tu vois, parce que je suis pas tout le temps, enfin, je suis jamais avec elle, donc j'en suis pas certain. Mais si je crois ce qu'elle me dit, elle a rien fait, et moi non plus. Non, franchement, moi, je suis vraiment plus attiré par aucune fille, je suis vraiment fixé sur elle, quoi, depuis que je la connais, quoi. C'est mignon, mais bichon, à un moment donné, si tu la vois pas, tu vas pas pouvoir construire quelque chose, tu vois. Et moi, il y a un truc hyper important pour moi, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que voir la personne physiquement, c'est essentiel, ne serait-ce que pour l'odeur. C'est-à-dire que là, tu vois une image de la meuf, mais tu ne sais même pas. Son odeur, ça se trouve, elle sent pas bon. Ouais. Non, j'ai pas envie de te dégoûter d'elle, hein. C'est peut-être très mignon, peut-être que vous vivez une super histoire, mais juste à un moment donné, il faut que t'économises, il faut que, j'en sais rien, que tu trouves un moyen de la voir, parce que là, c'est pas possible. Imagine, t'es déçu, imagine, tu passes encore 2 ans comme ça, et finalement, tu te rends compte que, bah non. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais bon, après, je suis pas sur le même kiff que toi, enfin, je sais pas, je vais pas par rapport à l'odeur des gens, mais. C'est hyper important, l'alchimie globale, tu vois, le bisou, comment elle embrasse, ouais, son odeur, je sais pas, moi, la texture de sa peau, tout ça, en fait, pour tomber amoureux, t'as besoin de ça. Ouais, sa façon d'être, en fait. Bah ouais. Mais du coup, Valentin, vous vous appelez quand même? Pas énormément. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est des tweets, quoi. Ouais, enfin, en MP, quoi, mais. Ouais. Bichon, à un moment donné, ça s'appelle pas une relation, ça. Moi, je peux comprendre les relations virtuelles et je sais que ça vous aide beaucoup, les jeunes. Vous rencontrez souvent sur Insta, sur Snap et tout. Et c'est bien, je trouve que c'est un super moyen. Mais à un moment donné, si vous n'arrivez pas à concrétiser, à voir l'autre, ça peut pas marcher en fait. Hein. C'est pas ça la vraie vie, tu vois. La vraie vie, c'est pas Internet. Ouais, parce que là, t'es en train de t'empêcher de vivre un truc avec quelqu'un de réel dans la vie, tu vois. Alors, admettons, parce que si elle t'attire, je trouve que c'est plutôt bien que vous continuiez à parler et que, effectivement, son esprit t'intéresse et tout ça, sa vie t'intéresse. Mais ne t'empêche pas de vivre des choses à côté. Exactement. Ouais. Tu vois ? Et puis, si vraiment tu veux la rencontrer, pour aller à Paris, tu fais un grand coup de blablacar, du covoiturage, il y a plein de sites maintenant. Tu peux franchement monter à Paris sans problème. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais après, il faut qu'elle veuille, quoi. Bah, et en même temps, franchement, je te le dis, Valentin, hein, si tu commences à lui demander de ses dates de disponibilité et qu'elle te dit « Ouais, non, je sais pas trop », lâche l'affaire. Hein. Ouais, si elle a pas envie de te voir au bout d'un an et qu'elle est pas pressée, ça pue. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Les gens dans l'équipe, est-ce que vous avez déjà vécu comme ça une relation, un amour virtuel, Anso? Ouais, moi j'avais rencontré un garçon quand j'étais encore à Nantes et on s'était rencontré sur un site nantais. Mm-hmm. Lui, il habitait en Italie et on s'est rencontrés, on a parlé pendant 2 mois. Je suis allée en Italie, il est venu à Nantes et on a vécu une histoire d'amour de 2 ans. Ah oui, mais donc du coup, t'as très vite concrétisé quoi. C'est-à-dire que l'amour virtuel a duré 2 mois. L'amour virtuel a duré 2 mois, mais on était vraiment hyper attachés l'un à l'autre sans s'être jamais vus quoi. D'accord. C'est assez bizarre quand t'as jamais vu la personne et que t'arrives à l'aéroport en Italie et que la personne t'embrasse. Ouais, c'est bizarre. C'est quand même très bizarre. Surtout en Italie, là, pour le coup, c'est de l'organisation quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a coûté un fric monstrueux, cette histoire. Amir, t'as déjà eu ça? Ouais, j'avais eu ça aussi. Et c'était une grosse galère parce que on n'a jamais réussi à se voir. Ah, c'est dur. Et on n'arrêtait pas de dire en plus on a envie de se voir et tout. Mais en plus, comme un clochard, je pense que je m'endormais parfois au téléphone. Mais sur mon téléphone. C'est à déconseiller en plus. Et on s'endormait comme ça au téléphone. C'est mignon, mais c'est con, elle habitait où? Loin? Elle habitait dans le sud, je crois. Ouais. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Vous avez parlé pendant... Après, j'avais 16 ans, ça a duré peut-être 3 mois. Ah, ça va encore. Et quand j'étais à la fac aussi, j'avais vécu la même chose. Il y avait un chat pour la résidence, là. Ouais. Et j'avais chiné une meuf, mais on était juste à côté et on n'a jamais réussi à se voir. Mais t'as pas de chance dans la vie quand même, non? Moi avec les meufs, c'est toujours une galère. Enzo, au standard, est-ce que t'as vécu un amour virtuel, toi? Ouais, moi c'était avec une meuf de Lyon par MSN. Putain, ils sont tous à Lyon. Et comment ça s'est fini alors? Bah, je l'ai whizé, elle m'a bloqué. T'es quoi? Non, mais ça, ouais, en vrai, ça a pas duré? Bah, ça a duré un an, on se faisait des MSN, des Skype, tout ça, mais on avait 13 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est complètement. Pas de blablacar à 13 ans. Hein. Non. C'est difficile, quoi. Et Thibaut à l'arrière? Ouais, moi ça m'est arrivé de traiter avec une meuf qui habitait à 400 km de chez moi. D'accord, et comment ça s'est passé avec elle? Bah, je lui ai payé un billet de train, genre un jour, pour qu'on puisse se voir. Et puis, elle a fait le déplacement juste pour qu'on puisse se voir et surtout pour m'annoncer que c'était terminé. Ah merde! Avant même que ça commence? C'est ça. Mais mec, t'es un gros pigeon, le gars, il lui paye le billet de train et en plus il se fait larguer. C'est horrible, pigeon. Je suis une merde. Bon, on donne pas beaucoup d'espoir à Valentin là sur les amours virtuels. Hein. Bah, c'est pas qu'on donne pas beaucoup d'espoir, mais d'après ce que tu nous racontes, cette fille, elle a pas très envie de te rencontrer et je trouve que ça pue un peu. Mais bon, écoute, Valentin, on a du monde qui est appelé au standard, visiblement. Oui. Tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet. C'est Amandine de Poitiers qui est avec nous. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, les filles. Ça va, Amandine? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as déjà vécu un amour comme ça? Eh ben oui, en fait, c'était mon premier copain. Je l'ai rencontré en fait sur un jeu sur Internet. Et en fait, on a mis quelques mois avant de se voir en réel. Et alors juste, c'était quoi le jeu? Moi, j'étais mineure et lui, il était plus que majeur. Attends, oui. Alors Amandine, c'était quoi le jeu déjà? Café-jeu. Je connais pas. C'est un truc en ligne, un jeu d'accord. En ligne. Et alors, toi, t'étais mineure, c'est ça? Ouais, j'avais 17 ans, il en avait 26. Ah ouais, d'accord. Et du coup, vous avez parlé comme ça pendant combien de temps? On m'a parlé ensemble pendant 4 mois. Et un jour, il est venu chez moi, vers Poitiers. Et il était de Paris. Il est descendu et on a passé une journée ensemble. Et voilà. Et donc, ça a matché ou pas? Ah oui, ça a matché. Ah. Je suis restée un an avec lui. Bah, c'est beau quand même. Même si t'étais mineure, c'est pas conseillé ça. Mais voilà, belle histoire malgré tout. Ah oui, une super belle histoire, mais après, bon, c'est vrai que lui, il habitait à Paris, moi à Poitiers, et la distance, ça tue le couple en général. Mais et en même temps, tu viens de me faire penser à quelque chose, Amandine. Valentin, ça se trouve, elle te fait croire qu'elle a genre le même âge que toi, mais en fait, ça se trouve, elle est mineure. Grave. Eh oui. Ah, c'est pas con. Non, mais il faut absolument que tu fasses au moins des FaceTime ou des Skype, tu vois, pour voir comment elle est, si elle ment pas aussi sur ses photos et tout. Bichon, au bout d'un an, c'est essentiel, là. Parce que je trouve ça un peu bizarre qu'elle veuille pas trop te fier son Facebook pour pas que tu vois tes photos, que vous fassiez très peu d'appels, tu vois. Peut-être creuse un peu là-dessus, hein. Ouais. C'est hyper important. Et puis, tu vois, là, toutes les histoires qu'on a, clairement, les gens, ils font ça pendant 3-4 mois. Après, ils trouvent un moyen de se voir quoi qu'il arrive. Ouais. Un an, c'est. Enfin, on va voir, on a d'autres réactions, mais ça me paraît compliqué. Amandine, t'as retrouvé un chéri depuis? Oui. Eh bien, écoute, c'est parfait, ça s'entendait, là, la voix du bonheur. On t'embrasse, ma chérie, merci de nous avoir appelés. Gros bisous, ciao. Bisous. On a Guillaume aussi au téléphone. Bonsoir, Guillaume. Salut, Anso, salut Marion, salut les filles, salut tout le monde. Ouais, ça va et toi? Bah, ça va nickel, ouais, pas de soucis. Du coup, moi, je vous appelle parce qu'en réalité, vous disiez à l'instant que un an, c'était impossible. Ouais. Et ben, pour ma part, ça a duré 2 ans. Oh non. Et ouais, si si ça a duré 2 ans sur Facebook. C'est vrai que c'était comment dire, on s'est rencontrés. C'était quand j'avais 17-18 ans. Et au final, c'était incroyable, c'était hyper intense. Le truc, c'est que derrière, elle habitait à Pau. Et moi, j'habitais en Normandie, à Mortagne. Donc du coup, le problème, c'est que derrière, la relation à distance, c'était hyper compliqué. Pourtant, on se parlait par message, ça allait super bien. Et puis, derrière, tout compte fait, ça s'est éteint au fur et à mesure. Bichon, quand tu l'as vu au bout de 2 ans, c'est ça, hein, la première fois que tu l'as vu. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en réalité, je l'ai jamais croisé. C'est vraiment une. Donc tu l'as jamais embrassé. Absolument pas, parce que je l'ai pas vu. Exactement, et c'était ça le problème. Après, derrière, c'est qu'on se téléphonait quand même. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devenait impossible. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est éteint. Mais t'as pas de regret de jamais l'avoir vu? Je sais pas, t'as pas envie un petit peu. Mais je me suis dit que après, le problème, c'est que la relation virtuelle, ça n'a rien à voir avec la relation en vrai. Ça se trouve, on se serait croisé en vrai, et ça se trouve, ça n'aurait pas du tout collé. Et voilà. Donc au final, c'est vrai que j'ai quand même un peu de regret, parce que je me suis dit que au final, c'était une fille avec qui je partageais quand même beaucoup de choses. Quand même, on voyait qu'on avait cette relation, cette complicité. Après, derrière, en vrai, on n'aurait pas su ce que ça donnait. Mais Guillaume, t'avais bien des besoins, puisqu'elle t'intéressait, t'avais très envie de coucher avec elle, par exemple, de partager des moments tendres et tout. Comment vous faisiez? Est-ce que vous faisiez des caméras, des trucs? Ça nous est arrivé aussi, de faire des caméras, donc sur Skype, tout ça, pas de souci. Ouais. Mais derrière, après moi, quand on se parlait pas, ou quand on n'avait pas moyen de se voir, le problème, c'est moi, j'allais voir évidemment ailleurs. Je pense qu'elle faisait pareil. Hein. C'est clair et net. Le problème, c'est que comme on pouvait pas se voir, c'était ça le problème. Si c'est clair et acté entre vous, à la limite, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que c'est frustrant, parce que tu te dis, elle me correspond, elle habite loin, je pars pendant 2 ans, pour au final rien. Pour Valentin, le truc pour Valentin, c'est qu'après, si vraiment il a envie de la voir et qu'il est attaché et que vraiment il pense qu'il peut y avoir quelque chose, ben dans ces cas-là, il faut qu'il fasse tout pour aller la voir. C'est ce que je lui conseille, hein, si vraiment il est amoureux, enfin amoureux c'est un bien grand mot, c'est pas vraiment ça, mais si vraiment il sent que voilà. Moi j'ai envie presque de t'aider, Valentin. Je sais pas si c'est vraiment un billet, je me dis on va voir avec Fun Radio s'il y a pas moyen de faire quelque chose pour que tu puisses venir à Paris, tu vois. Ouais, ce serait cool. Ouais, on va essayer de voir ça, Valentin. Qu'est-ce que t'en penses, Valentin? Bah ouais, ça serait cool carrément. Après, faut que tu sois sûr qu'elle soit contente de te voir aussi, hein. Ouais, tu as pas débarqué, mais moi aussi j'aimerais plutôt faire venir la nana à Paris et qu'il se fasse une rencontre dans les studios. Oh ouais. Ah mais elle est parisienne de toute façon. Ah oui, donc Valentin, ouais, ce serait chambé. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais surtout il faut que tu la vois, parce que si tu continues comme ça à entretenir quelque chose qui, ça se trouve, n'est même pas basé sur quelque chose de solide, peut-être qu'il y a du mensonge, peut-être qu'elle te cache des choses, peut-être qu'elle va même pas te plaire finalement. Et ben voilà, tu vas être déçu après d'avoir perdu ton temps. D'accord? Ouais, d'accord, ouais. Donc les amours virtuels, c'est bien sympa. C'est cool au début, mais après il faut passer à l'action, Bichon. On va voir ce qu'on peut faire pour toi, d'accord? D'accord, ok, bah merci les filles. Bah de rien, on t'embrasse, mon Bichon, et Guillaume, merci de nous avoir appelé. Pas de soucis, merci à vous. Ouais, merci à toi, mon poteau. Ouais, salut. J'ai envie de demander à celui qui n'a pas donné son avis encore sur le sujet, c'est Pépère. Ouais. Pépère, est-ce que toi, tu as déjà vécu un amour à distance, une relation comme ça, virtuelle? Bah oui, Pépère, il a déjà réussi à faire l'amour à distance, hein. D'accord, et comment c'est possible? Bah, Pépère, il a tellement une grosse bite qu'il arrive à baiser mes mères quand elle est dans le salon pendant que lui, il est dans la champagne. D'accord. Voilà, tu vois, c'est simple, hein. C'est simple et efficace, oui, ouais. Pépère. Bah oui. Merci, Pépère. Bah, autre chose à rajouter? Oui, j'ai autre chose à rajouter. Ah bah, on t'écoute. Bah ça y est, j'ai rajouté la champagne. D'accord. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Pour vous inscrire, Marion et Anne@funradio.fr. Et puis, le grand retour du smoothie du dimanche. Bougez pas, on vient après DJ Snake. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Radio, c'est Marion et Anso, on est ensemble en direct là jusqu'à minuit. Et vous savez que dans cette émission, on vous donne des informations extrêmement importantes. Ah bah oui, qui changent un petit peu le quotidien de tout le monde. Je suis tombée sur une info géniale. C'est des nouvelles boules anti-stress qui viennent de sortir, baptisées Nice Balls. À votre avis, c'est quoi? Des boules anti-stress. Ouais. Bon, bah, ça ressemble à des boules anti-stress que tu malaxes là. Ouais. Sauf qu'elles sont en forme de couilles. Hein? Oh non. Tout simplement. Donc tu peux les coller sous le bureau comme ça. Et donc il y a deux boules qui pendent comme des testicules, ouais. Et tu peux les malaxer comme ça quand t'es au bureau discrètement. Mais c'est de vachement mauvais goût. Bah ouais, je sais pas vous, mais moi je me sens hyper stressée en ce moment. Non non, Anso. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé monsieur. J'ai appelé personne putain, qui se fait chier. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Allez, petite interro surprise, Thibaut à l'arrêt au hasard. Ouais. Comment on fait pour s'inscrire au Pourquoi tu m'appelles? Je pense que c'est par mail. Et quel est ce mail? Je dirais marion@funradio.fr. Pop, pas mal. Ouais. Enzo, au standard, qu'est-ce qu'on gagne cette semaine dans le Pourquoi tu m'appelles? Cette semaine à gagner au Pourquoi tu m'appelles. Il sait pas. C'est des casques de DJ. Ouais, ouais, bien joué, pas mal. Bon, Enzo, j'ai rien pour toi. Eh ben écoute, c'est pas grave. C'est Anis de Royan qui joue avec nous ce soir. Bonsoir, Anis. Bonsoir, les filles. Ça va, Anis? Ouais, ça va. Marrant de s'appeler Anis. Ouais, j'aime bien. C'est joli. Ouais, bah merci. On est pensif sur ton prénom. T'appelles d'où, Anis? Bah, j'appelle de Royan, de chez moi. D'accord, oui, bah de chez toi, oui. Je me doute bien. Et t'es en quelle classe, Bichon? Bah là, je rentre en seconde. Enfin, je suis en seconde, quoi. D'accord, ok. Bon, ça te ferait kiffer un petit casque DJ? Ouais. Ok, tu veux jouer contre qui ce soir ou pourquoi tu m'appelles? Bah contre Anso. Ok, Anis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va me donner un handicap. Ouais, alors je pensais à un truc. Tu vas me dire si t'es d'accord, Anis. En fait, je voulais être le handicap d'Anso. C'est-à-dire qu'en fait, on le ferait à deux. Tu fais une phrase, je fais une phrase, tu fais une phrase, je fais une phrase. Ok, ça marche. Une sorte de ping-pong, quoi. Une sorte de ping-pong de phrase. Voilà. Ok, Anis. Ouais, ce serait drôle. Tu nous laisses commencer comme ça, tu verras un petit peu le temps qu'on fait, quoi. Ok. Allez, bouge pas. Petit Anis. En fait, je sais pas si j'aime ce prénom ou pas. Bah, si. On fait penser au pastis, mais. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Non mais Anis, toi je t'aime. Voilà. Allô? Allô? Oui? Oui? Bonjour, pourquoi tu m'appelles? Moi je vous ai pas appelé, je suis désolée. Hein. Mais ne vous énervez pas monsieur, c'est pas grave. Hein, non, je suis pas énervé, non, pas du tout. Je suis un petit peu grippé, c'est tout. Ah, je suis pas énervé. Me voilà rassuré. C'est ma voix qui est... Oui. Bah. Mais quel numéro qu'on a fait? Ah bah écoutez, monsieur, moi j'ai... Moi je suis le 26-18-67. Ah d'accord, ouais. Bah moi je suis le 01-42-48-5000, donc je comprends pas. Ah bon, bah excusez-moi, alors, je vous prie de m'excuser. Hein. Bah c'est pas grave monsieur, mais du coup ça se soigne cette grippe? Oui, ça se soigne. Ouais. Et pourtant je suis dans un pays chaud. Ah bon, vous êtes où? En Guyane française. Oh. Oui. Et du coup, alors comment on soigne la grippe en Guyane française? Ben, alors ça se soigne avec du rhum blanc, du citron, du miel, et puis voilà, hein, c'est avec ça qu'on se soigne. Bon, c'est pourtant, je l'ai attrapé en métropole, hein, j'étais en métropole, c'est là que j'ai pu, j'étais à côté de Deauville, là, alors au bord de la mer, et puis voilà, depuis une dizaine de jours. Mm-hmm. Voilà, alors, voilà. La question, est-ce que tu m'appelles pour me parler de ta grippe ou pourquoi tu m'appelles? Non, pas du tout, mais je viens de vous dire que je ne vous ai pas appelé. Bah, par contre, il faudrait peut-être faire attention sur la dose de rhum, hein, parce que... Ah, vous avez de l'humour, vous. Mais c'est marrant parce que moi, je suis grippée un petit peu aussi, là, donc je vais peut-être prendre votre set. Ah bah oui, ça s'entend pas? Oui, non, pas du tout. Moi, oui, ça s'entend. Ouais. On sent qu'on est un peu pris, hein. Oui. Vous appelez d'où, vous? Ah bah nous, on appelle de Paris. Ah, de Paris. Eh, vous êtes un amour. Merci, c'est très gentil de votre part. Oh, bah. Okay. Ah, parce que d'habitude, on n'a pas cet accueil, donc... Voilà. Soignez cette petite grippe. Merci beaucoup, c'est très sympa de votre part. Et je vous souhaite une bonne journée. Oh ben. Okay. Puis la prochaine fois, vous nous direz pourquoi vous nous appelez. Voilà. D'accord. Allez, bonne soirée. Bisous. Hein. Au revoir, poutou. Oh ben, par contre, quand il est parti, il a pris une quinte de tout. Je suis très très inquiète pour lui. Enzo, au standard, tu vas nous le rappeler. Hein. Non, mais comment il était adorable. Combien de temps on a fait? 2:35. Est-ce que tu crois qu'il s'est rendu compte qu'on était deux? Non, je crois pas. Non, hein. Ouais, c'est la grippe. Hein. Anis, 2:35 à battre. Ouais, vous avez été bien chaude là. Hein. Ouais. C'était pas le mot que j'aurais utilisé. Je crois que c'est ce qui nous caractérise, effectivement. Anis, j'espère que tu as un plan. Non. Bon, eh ben écoute, vas-y au feeling. On appelle Poussin. Ouais, bonne chance à toi. Merci. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu es, Alice. Allô. Allô, oui, bonsoir. Qui vous êtes? C'est à moi de vous poser la question, parce que vous m'appelez là, pourquoi vous m'appelez? Je comprends pas ce que vous dites. Vous m'appelez, madame, en fait, mon téléphone vient de sonner, donc voilà. Attendez, j'ai une dame, elle va me raconter, elle va mieux entendre que moi. Elle arrive, attendez. D'accord. Allô? Oui, allô? Et qui vous êtes, madame, s'il vous plaît? Je suis chez madame Bernard. Madame Bernard, ou je sais pas qui c'est, en fait, m'a appelé, là, en fait. Celle qui vous a appelé? Personne vous a appelé, madame. C'est vous qui venez d'appeler. Ah non, mon téléphone a sonné, madame. Il était dans ma poche, donc ça a sonné, je réponds. Pas de problème. Oh, alors on s'est trompé. Comment elle va, la bonne dame? Eh bien, ça va bien, merci. Et vous, madame? Bonjour, je m'appelle Anis, et en fait, mon téléphone a sonné, donc je réponds à l'appel, quoi. Oui, voilà, c'est bien. Eh bien, je vous remercie pour elle. Et puis, excusez-nous. Faudrait lui acheter des appareils pour ses oreilles, etc., pour qu'elle entende mieux. Ah, allô? Accroché, oh, Anis. Ouais. Non, mais, alors, attendez, parce que, comment mettre quelque chose au clair? Moi, je dis jamais les petits vieux, je sais, on peut pas choisir, c'est au hasard, mais... Ça me fait tellement de la peine. Moi aussi, ça me fait de la peine. Mais bon, elle était fraîche, hein. Elle était gentille. Bon, elle t'a pris pour une meuf de bout en bout, Anis. Ouais. Hein. Ouais, mais oui, mais c'est pas grave. Non, elles sont adorables. On va les rappeler au standard pour leur expliquer, évidemment, et leur envoyer un petit pack fun. On sait jamais. Bah oui, c'est ça. Combien de temps il a fait, du coup, Anis? Du coup, il a fait 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est pas assez, hein, Anis. Hein. Nous, on a fait combien? 2 minutes 20. Cela dit, quand même, nous, on est tombé sur un super bon client. Et lui, franchement, il a réussi à tenir 2 minutes. C'est assez rare. Ouais. Et puis, je sais pas, j'aime bien, il s'appelle Anis et tout. Allez, Yanis, c'est gagné! Merci! Oui, je viens de t'appeler Yanis, hein, y a pas de problème. Ah oui! Bon, y a pas de souci, t'inquiète pas, je suis habitué. On est faible quand même. Hein. Ouais. Franchement, mais bon, ça nous fait plaisir, le casque DJ, il est pour toi, on te l'envoie à la maison, ok? Voilà, et puis je t'envoie 10 000 euros. Ok, merci. On t'embrasse, bichon. Allez, merci. Bisous. Dans quelques instants sur Fun Radio, ça y est, nous allons déguster le smoothie de l'angoisse. Le smoothie qui fait vomir. Le smoothie qui fait... C'est horrible. On va aussi parler avec vous des tics et des tocs du quotidien parce qu'on a un auditeur, il a des tocs de ouf. 01 42 48 5000 si vous voulez réagir. Et puis pour s'écouter du bon son, c'est sur Fun Radio que ça se passe avec Richard Orlinski et Eva Simons. On adore ça. Trop bon. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. Ça y est, il va être temps de déguster le smoothie du dimanche soir. L'équipe, est-ce que vous êtes contents? Ouais. Allez, bougez pas, on vomit sur Fun dans un instant. Avec votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon ! Pour votre santé, bougez plus. Tous les soirs. You ready? 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. sur Fun Radio. Et j'aimerais vous décrire ce qu'il se passe dans ce studio, puisque les gens vont mal. Les gens sont pas bien, les gens se bouchent le nez, les gens paniquent. Oh. Nous allons déguster le smoothie du dimanche soir. Je vous rappelle le principe, c'est vous, auditeurs, qui choisissez les ingrédients sur Facebook et Twitter. Donc là, on vous a tout filmé là pour la chaîne YouTube, on a déjà fait la préparation. On a du Sprite, du yaourt nature, de l'huile pimentée, de la cannelle, du pois chiche, de la moutarde, du dentifrice et la meilleure vanne du monde, du sourcil d'Amir. Non mais le pire c'est que là ça ressemble vraiment à un smoothie, c'est extrêmement épais. Ouais. Alors et la ça couleur, a une odeur, les gars, mais c'est un enfer. La couleur, pour vous décrire, c'est la couleur de la rouille. Ouais, c'est orange marron. Ah, non mais Yannick, au standard, arrête. Bon. On va procéder de deux manières, l'équipe. Yannick, tu vas le faire avec nous. Ouais. Je vais être ton soutien. Arrête. Oh là là. Non. Anso, moi, Yannick, on va le faire en même temps. Et après, tous les garçons le feront, sachant qu'Amir doit vraiment le faire ce soir. Vous voulez pas le faire, que nous, on le fasse d'abord et après, on finit par vous. Okay. Oh là là. C'est pas possible, Yannick. Allez. Arrête. C'est mieux. Mais, ouais, mais bon, après, nous, faut qu'on enchaîne. Donc, c'est chaud. Moi qui suis diabétique, il y a du Sprite dedans et mon taux est déjà très élevé ce soir. Ouais, je suis désolée. Les garçons vont commencer. Okay. On vous filme tout, les gars. Vous vous regroupez derrière Amir. Enzo, Amir. Les stagiaires, Béric, tout le monde. Mikose, t'es dans le studio, si tu veux un petit verre, n'hésite pas, hein, de Party Fun. Ouais, Mikose qui va faire Party Fun Deep à minuit, viens boire un coup avec nous. Il a pas envie. Bon les gars, vous êtes prêts? Ouais. Allez les gars. Non, non, non, j'enlève mon casque parce que je sais... Eh, par contre, s'il te plaît Béric, je t'aime bien mais me vomis pas dessus. Regroupez-vous un peu là, soyez plus proches les uns des autres. On rappelle qu'il y a deux semaines, Béric avait vomi sur un membre de l'équipe. C'est énorme, j'adore ce jeu. Ouais, c'est vous qui avez choisi le smoothie. Le smoothie de l'amitié va être dégusté. 3, 2, 1, l'équipe Q-Sec. Allez, allez les garçons, c'est bon. Béric, ça passe pas. Hein. Pas Q-Sec. Attendez. Ah non. Arrêtez. C'est scabreux. Arrêtez, tout le monde vomit. C'est un enfer. Je vous jure que Yannick va tourner de l'œil. Hey, c'est grave bon. Oh non, arrête. Mais je te jure, j'ai l'impression que c'est du dentifrice. Oh, Enzo, horrible. Il trouve ça bon. Bah ouais, bon, bah. Bah. Attends, je peux Yannick, pas. Yannick, faut que tu partes. Non, si Yannick, je t'en supplie, il faut que tu partes. Enzo. Bah allez, allez. Yannick, tu le fais avec nous. Non, mais il a vomi déjà, regarde. Allez, il a déjà vomi. Allez, Yannick. Allez. Allez, attends. Écoute. Allez, on y va. 3, 2, 1. Ah, c'est pas possible. Ah, l'huile pimentée, c'est record. Ah, oh, c'est immonde. Non, c'est pas bon. Non, il est moins pire que la dernière fois. Arrêtons ce jeu. Yannick, ça va? T'as bu? Je t'ai pas vu boire. Rebois. Je t'ai pas vu, Bichon. Le pauvre, il est au fond du seau, quoi. Ah, d'accord, tout le monde vomit. Bon. Allez. Je vous cache pas que les images vont être très drôles. On vous a tout filmé. Je crois que personne n'a réussi à faire de cul-sec cette fois-ci ici. Thibaut à l'arrière. Bah, si, Thibaut, pour le coup, là, non, j'ai. Non, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que, je vous le dis, la moutarde mélangée au dentifrice, ça arrache la face. Et surtout, on n'a pas oublié qu'il y avait des poils d'Amir dedans. Hein. Ah, c'est... Dur, dur. Et je crois que c'est ça qui passe pas. Hein. On vous mettra la vidéo là dès demain matin sur la chaîne YouTube. Vous allez kiffer. Vous nous dites si vous voulez qu'on continue à faire ce petit jeu ou si ça vous écœure, si vous aimez pas. C'est tous les dimanches. Dites-nous. Allez-y, pour ou contre le smoothie du dimanche avec le hashtag Le Night Show. Allez-y. Moi, je vote pour. Ouais, je c'est vote cool. Contre. Je vote contre. Bon, en tout cas, là, on a Vincent d'Orléans qui nous appelait. Vincent, il veut parler d'un sujet, tiens, bien spécial. Il veut parler des tocs. Oui. Bonsoir, Vincent. Salut, bonsoir les filles, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Vincent, est-ce que toi tu aurais bu le smoothie du dimanche? Ah, je pense pas. Il est hardcore, franchement, il est hardcore. Ah oui, il a l'air vraiment dégueulasse. Il pique, mais moi je veux pas vous mentir, j'ai trempé les lèvres, hein, j'ai pas pu faire plus, hein, j'ai fait une micro-gorgée quoi. Mais tu joues pas le jeu, Amir, des réseaux sociaux, t'as joué le jeu? Bien sûr, j'ai joué le jeu. Non mais j'ai bu, mais je peux pas faire ça quoi. Ça pique vraiment la bouche. Yannick en standard, il est en larmes. Bon, dis-nous pourquoi tu nous as appelé, mon bichon? Eh ben moi en fait j'ai des tocs, des tocs que je fais comme ça, sinon j'ai toujours peur qu'il m'arrive un malheur ou un accident, un truc comme ça. Par exemple, à chaque fois que je prends la voiture avec mes parents tout ça ou avec des gens, je suis obligé à chaque fois de faire 3 fois le tour de la voiture avant de monter dedans, sinon j'ai peur qu'il m'arrive un accident ou un truc comme ça quoi. C'est relou quoi. Ouais, mais je peux pas monter dans la voiture si j'ai pas fait ça. Sinon je suis stressé, j'ai peur qu'il m'arrive un truc. D'accord, donc à chaque fois que tu veux prendre le volant ou être dans une voiture, tu dois faire le tour 3 fois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme quand avant d'appeler quelqu'un, je tapote 3 fois derrière le téléphone. Sinon, j'ai peur qu'il arrive un truc à la personne que j'appelle, tout ça, quoi. Attends, excuse-moi, mon pote, parce que je viens de me rendre compte d'un truc. Bruno, il va pas être content. Il y a du vomi sur les murs, les gars. Ouais. Mais non. Mais si, regarde partout. Regarde, ouais. C'est Yannick. Ouais. Mon pote, il faut nettoyer ça. Il faut que tu nettoies. Bon, Bichon, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai un truc. C'est moins impressionnant que toi. Mais je le fais tout le temps et Anso va pouvoir en témoigner. À chaque fois que j'ai une pensée négative qui me vient, je suis obligée de me toucher la tête avec la main droite pour conjurer le sort. Sinon, je pense que la chose négative va arriver. Ouais. Tu vois? Donc c'est un truc de ouf. Du coup, je le fais au minimum une fois par jour. Je sais pas, je touche ma main comme ça, ma tête, et je peux pas m'en empêcher. Après, c'est beaucoup moins handicapant parce que là, en l'occurrence, toi, Vincent, faire trois fois le tour de la voiture, ça doit être un peu relou pour tes parents, tes potes et tout. C'est un peu chiant. Mes parents, c'est pas où je le fais. Pourquoi t'essayes pas genre les trucs de respiration Parce qu'en fait, pour casser le truc, il faudrait que tu le fasses une fois sans et que ça se passe bien. Bon après, effectivement, si il t'arrive une tuile alors que tu l'as pas fait, c'est vrai qu'on est un peu dans la merde. Et sinon, on en parlait en début d'émission, mais il y a un truc qui marche super bien là-dessus, c'est l'hypnose. Ah oui. Alors c'est peut-être un peu radical d'aller voir un hypnotiseur pour un TOC, mais moi je trouve ça pas mal quand même. Si ça te pourrit la vie, faut y réfléchir. Ouais, franchement c'est assez chiant parce que enfin, si je le fais pas, tu vois, enfin ça m'arrive. Ouais. Pas souvent de pas le faire quoi, mais quand je le fais pas, des fois je suis super super stressé tout ça donc. Non mais je comprends. Tu sais quoi, Bichon, t'es pas le seul. On a déjà de la réaction au standard. À mon avis, les tocs, les tics comme ça, ça concerne tout le monde. Ouais. Mais tu vois, Vincent, quand je suis chez des potes ou mes parents, par exemple. Eh ben, s'ils mettent le son de la télé sur un chiffre impair, ça me tend. Je peux pas me concentrer dans le film ou me concentrer dans ce que je regarde. Oui, c'est vrai que toi, les chiffres impairs, ça va pas, quoi. Ah ouais, moi, je saoule tout le monde. Comme quand je regarde une horloge numérique, je suis obligée de calculer tous les chiffres. Là, c'est insupportable. Ah bon ? Ouais, tout le temps. Là, il est 23h21 secondes. C'est 3 et 2, 5, 10, 2 et 1, 3, 13. 3 et 1, 4. Elle a taré, quoi. Ah ouais, complètement. Là, ouais. Tu me fais peur, là. Bon, on a Mathieu de Paris qui nous a appelé. Bonsoir, Mathieu. Salut, Marlonso. Salut, toute l'équipe. Salut. Ça va ? Ouais, vous. Ouais, très bien. Dis-nous, est-ce que tu as un TOC, toi ? Alors ouais, moi j'en ai un. C'est par exemple moi quand je vais me coucher, et ben je suis obligé d'aller vérifier si ma porte elle est bien fermée, la porte d'entrée de chez moi. Ouais. Ah ouais. Ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Et les réveils aussi, non ? Pas toi ? Genre moi je suis obligé de vérifier au moins trois fois que j'ai bien mis mon réveil à la bonne heure. Ouais, moi aussi ça m'arrive ça. Tout le temps. T'es pas le seul, Bichon. La porte d'entrée, franchement ça c'est à mon avis c'est tout le monde. Mais tu le fais qu'une fois. Tu vas pas vérifier plusieurs fois. Ouais, mais le pire, le plus embêtant, c'est par exemple, moi j'habite au cinquième étage de mon immeuble. Quand je descends, et bah des fois je stresse, je me dis j'ai oublié un truc ou j'ai été déconcentré, faut que j'aille vérifier si la porte elle est bien fermée. Ouais, mais bon, ça vraiment, je pense que c'est hyper répandu comme délire. Après, faut faire gaffe à ce que ça devienne pas trop répétitif et tu vois que ça te pourrisse la vie, quoi. Certes, faut faire attention. Je le fais une fois par jour. Bon, bah ça va. Et dès que je sors de chez moi, ça va encore. Okay. Mais attention, Mathieu, attention. Hein, pas plus d'une fois. Attention, on tire la sonnette d'alarme de la vigilance. Hein, attention quand même. On t'embrasse, Mathieu. Merci de nous avoir appelé. Ah, moi aussi. Bonne soirée. Bisous. Bisous. Est-ce que Amir des réseaux sociaux et Thibaut à la réa, là, vous avez des TOC, vous, Amir ? Ouais, moi, si par exemple, c'est si je fais un truc pas bien, un truc méchant, et ben, j'ai peur que le karma se retourne contre moi. Regarde mes sourcils, par exemple. Ouais. T'as dû faire une grosse erreur pour avoir des sourcils comme ça, mon gars. Je le paye cher. Mais c'est le karma. C'est vrai qu'Amir, il dit souvent ça quand on est ensemble. Il dit souvent le karma, le karma, le karma. Mais ça, t'as pas tort, t'as pas tort. Et toi, Thibaut ? Moi, en fait, quand je fais mes courses, je vais toujours à la caisse numéro 3. Et pourquoi, la 3 ? Souvent, c'est là où il y a la meuf bonasse, un peu, tu vois. Ah oui, c'est pas un toc du tout. Il est con, lui. Il y a Salomé à Saint-Etienne qui nous a appelé. Bonsoir, Salo. Oh, salut, Salomé. Bah non. Salut les filles, salut toute l'équipe. Je viens de me rendre compte que ce raccourci de prénom va pas du tout, en fait. Oui, c'est pas terrible. Hein. Ça va, Salomé ? Ouais, moi, ça va. Par contre, je viens d'avoir Yannick, le standard. Il est juste en train de décéder avec votre moustache, je crois. Ouais, il est chaud, il est pas bien. Je suis désolée, Yannick. Peut-être que la prochaine fois, j'accepterai ta dispense. Merci. Parce que toi, t'es vraiment sensible quand même. Il reste quand même 52 dimanches. Ouais, mais il est pas bien, tu vois, là, je peux pas lui faire ça. À chaque fois, il vomit, il perd 3 kilos, non, c'est pas possible. Ah, tant mieux. Ouais. Cela dit, bon. Alors, Salomé, c'est quoi tes tocs, toi ? Moi, écoute, à chaque fois que je vois une bougie allumée, je peux pas m'empêcher de l'éteindre. Je suis pas bien quand une bougie est allumée devant moi, c'est pas possible. Bah, et ça, c'est depuis toujours, je peux pas. Mais donc, ça veut dire que si un jour tu rencontres un mec qui te fait un dîner aux chandelles, tu vas de manière compulsive toutes les éteindre. Eh ben, c'est ce qui s'est passé, figure-toi. Mais non. Si, si, un soir je suis rentrée, le soir de la Saint-Valentin, il avait installé des bougies partout, il était dans la salle de bain en train de venir de se préparer, et le temps qu'il sort, j'avais tout éteint. Mais toi, dans les anniversaires, tu dois être relou. Ah ouais. Ah ben alors, écoute, mais ça c'est depuis toute petite, ma mère n'avait pas le temps d'allumer les bougies que j'éteignais tout. Je ne supporte pas. Et c'est encore pire en vieillissant, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai peur que ça attire des mauvaises choses. J'en sais rien. C'est mais comme tous les tocs, c'est un peu chelou, mais. Mais deviens pompier, Salomé. Ah non, sûrement pas. Non. D'accord, c'est la première fois que j'entends ce genre de toc, mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant dans certaines situations, mais bon, on s'y fait. Hein. Mais c'est vrai que je suis un peu la relou de service, surtout chez les copines qui adorent les bougies. Ben voilà. Elles n'allument pas quand je viens. Tu es la copine rigolote, un peu bizarre, c'est tout, Salomé. Un peu ça, ouais. T'es célibataire ou pas ? Non, non, non. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, garde-le, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. On t'embrasse, ma belle. Merci de nous avoir appelés. Bisous. Bisous. On a Khalil aussi qui est avec nous, qui a 16 ans. Bonsoir, Khalil. Salut Marion, salut Anso, ça va toute l'équipe? Salut. Ça va et toi? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, dis-nous, est-ce que t'as un toc, toi? Oui, alors mon toc, c'est que j'ai toujours l'habitude d'avoir un chewing-gum dans la bouche, en fait, et des fois, quand je vais en cours, bah, je l'ai pas. Et en fait, je suis toujours en train de mâcher, même quand j'ai pas mon chewing-gum. Et du coup, les professeurs, ils me voient et ils me crament, et du coup, je suis collé à cause de ça, même si j'ai pas de chewing-gum. Non, mais Khalil, je suis en train d'essayer de mâcher un chewing-gum virtuel. C'est quand même très bizarre. Ouais, ça fait vachant. On dirait que tu rumines, ouais. Ouais, c'est bizarre. Ouais, mais. Parce que j'ai toujours un chewing-gum, en fait, tout le temps. Tu sais pas d'ailleurs que ça fait hyper mal à la mâchoire quand tu mâches trop? Dans une journée, que tu le gardes trop longtemps, ton chewing-gum, après, t'as hyper mal le lendemain. Des courbatures. Ouais, des même des fois, le chewing-gum, il fond dans la bouche. C'est dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Alors, le chewing-gum, quand tu le gardes trop longtemps, c'est un enfer. Ouais, mais avec Anso, on n'a pas même chewing-gum. Arrête. D'accord. Bah, quoi, moi, je parle un truc d'à la menthe. Toi, c'est plus d'autres fruits, quoi. Ah, c'est... oui, d'accord. Mais pas les fruits tordus, hein. Bah, si, si, là, j'ai quand même les fruits tordus. Et du coup, bah, essaye de te désintoxiquer, non? Mais vas-y, mollo sur les chewing-gum, je sais pas. Bah ouais, mais c'est l'habitude, c'est pour ça, du coup j'arrive pas. Il me semble que c'est pas très bon de marcher trop de chewing-gum, genre ça fait un peu trop roté. Bah c'est ce qui paraît, ça rend intelligent, ça aide la mémoire, du coup c'est pour ça. Ça fait des gaz. Et t'as des bonnes notes, Khalil? Bah au collège oui, après quand je suis rentré au lycée, pas trop. Ah bah ouais, c'est peut-être ça. Ça marche pas donc. Bon Khalil, essaie de réduire un peu les chewing-gum et puis bah tu nous rappelles si ça va pas, on essaiera de trouver une solution. Pas de soucis. On t'embrasse Khalil. Merci, il y a moins de négocier un petit pack fun. Oui, bien on sûr. Va te repasser le standard, tu vas gérer ça avec eux. Bisous mon pote. Merci, bisous. Ciao, ciao. Bon, bah Vincent. Vincent. Ouais. Tu n'es pas seul. C'est bah pas déjà, ouais, je me sens moins seul. Après, toi, c'est quand même handicapant de faire trois fois le tour de la voiture à chaque fois que tu dois te déplacer, donc je pense que tu devrais aller voir quelqu'un. Quelqu'un de ton choix, peut-être un psy pour comprendre, peut-être un hypnotiseur pour que ça s'arrête, j'en sais rien, mais essaie de faire quelque chose parce que sinon tu vas galérer, quoi. Ma mère, elle m'avait déjà emmené voir un mec qui fait de l'homéopathie, là, les petites granules à prendre. Ouais, ouais. Au début, ça marchait un peu, mais ça n'a pas marché. Enfin, et bah, revenu, donc. Il faut essayer autre chose, c'est que cette méthode ne te correspond pas. Est-ce que tu veux un conseil de Pépère? Bah ouais. Parce que vas-y. Pépère, peut-être qu'il a des tocs, je sais pas, Pépère. Bah lui, Pépère, il peut pas s'empêcher de compter quand il fait l'amour à mes mères, ça c'est sûr. Mais tu comptes quoi? Bah, le nombre de doigts que j'arrive à lui mettre dans son gros trou de balle. Ah, mais... Oh non. Bah ouais. Non mais je crois qu'il y a des expressions et des mots qui sont interdits. Trou de balle en fait partie. Bah, c'est horrible. Son petit anus. Et alors t'as réussi à en mettre combien? Ah ça c'est secret hein. D'accord. Mais j'ai réussi un jour à mettre une pelleteuse. Oh. Ah oui, elle est accueillante. Ah, oui. Ah, bah, elle était en forme hein. Ah oui. Par contre ça n'existe pas cette liaison. Elle était en forme. Ouais. Bah toi c'est t'existes avec ta tête là. T'existes toi? Vincent, on t'embrasse. Merci, moi aussi, bisous. Bisous à toi. À bientôt. Bon, nous, on va essayer de te remettre de nos émotions du smoothie du dimanche. Vous inquiétez pas, il y aura la vidéo qui va débarquer sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Moi, j'ai l'impression que le goût va rester toute ma vie. Ouais, et c'est l'huile pimentée et le dentifrice, moi, ça passe pas. Bon, le Pokélost va débarquer dans un instant, ce moment où vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en jouant à Pokémon Go. Bougez pas, on se retrouve après Martin Garrix sur Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire gonna burn, would you walk in, would you let me do it first, do it all in the name of love, would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love. Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. testify, screaming the holy lie. You bring testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of love. Écoutez Fun Radio, et c'est avec cette voix un petit peu sexy que je voulais parler de la vidéo tant attendue qui est arrivée ce week-end. Ah oui. Musique de la joie immédiatement. Arrête. Ouais. Oh non, arrêtez, n'en faites pas trop. Troisième épisode de Marion Facecam, oui, sur sa chaîne YouTube, Marion Facecam. Donc allez-y parce qu'il est vraiment, vraiment très bon. Oh, t'es trop mignonne. Non mais vraiment, il est vraiment bien. Allez, tiens, t'es 20 balles. Merci, merci beaucoup. Le Pokélost. Sur Fun Radio. Le Pokélost, déjà, c'est super drôle. Et en plus, cette semaine, on a la super dotation pour vous. On vous offre des iPhone SE. Ouais, c'est chambé. C'est quand même énorme, le smartphone qui va bien. Et en plus, on fait paniquer les parents, tout ça. On se marre, c'est sympa, sympa. Le principe du Pokélost est dans le titre, hein, Poké et Lost. Poké, oui, qui veut dire, c'est un petit peu le Pokémon Go, diminutif, quoi, du Pokémon. Et puis Lost perdu, quoi. Voilà. Hein, on joue avec Priscilla qui va faire croire à papa ou maman qu'elle est perdue en jouant à Pokémon Go. Bonsoir. Bonsoir Anto, bonsoir les filles. Comment ça va Priscilla? Ça va très bien, ça va. Je suis un peu stressée mais ça va. Mais non, ça va bien se passer. Je ne sais jamais si on dit Priscilla ou Priscilla. Non, c'est Priscilla moi. Ah, Priscilla. Priscilla, d'accord. Ah, oh, il y a comme, de la nuance. Comme l'amour est dans le Priscilla, tu vois. Oh là là, oui, ferme ta gueule. Oh mon dieu, désolée pour ça Priscilla. Il n'y a pas de mal. Tu veux faire paniquer qui ce soir, papa ou maman? Alors ce sera ma mère. D'accord, qui s'appelle comment? Alors qui s'appelle Cathy. Cathy, et toi t'as quel âge? J'ai 23 ans. Bon. J'ai compris cactus. Hein, non. Donc, c'est quoi. Mais est-ce qu'à 23 ans, elle va vraiment avoir peur pour toi, tu penses? Oui, parce que c'est très bien que j'y joue et elle déteste quand on est avachi, enfin abruti sur nos téléphones. D'accord. Okay. Et du coup, t'es à quel niveau toi? Tu t'en sors bien? Moi, je m'en sors bien, mais c'est vrai que j'avais arrêté pendant un petit moment, donc je suis pas un très haut niveau, on va dire. Ok. D'accord. Bon, ben bah, écoute, hésite pas à la faire paniquer. T'es dans un endroit qui fait peur. T'es pas bien. C'est la merde. Ok? Ouais, y a pas de problème. Allez, on appelle Cactus. Tu me fatigues. Je te jure. Je veux plus de toi. En plus, à quel moment mon cerveau s'est dit, bah oui, c'est très normal de s'appeler Cactus. Oui. Oui, non, c'est moi. Oui. Écoute, j'ai un gros problème, c'est que je suis partie tout à l'heure avec Léana aller chasser les Pokémon. Et en fait, je suis partie un peu plus loin que le bois d'Alix. Et en fait, il y avait un Pokémon, un Rattata. Et il fallait à tout prix que je l'attrape pour passer au niveau supérieur. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que là, ça va pas du tout. Et je suis partie dans la forêt avec Lélé. Et en fait, j'arrive pas du tout à retrouver ma route. Ouais. Je voulais bien me récupérer parce que là, je suis complètement perdue. Quoi. Mais t'es dans les bois? Mais oui, je suis partie dans les bois. Mais comment tu veux que je te retrouve dans les bois? Eh ben, je sais pas. Moi, tu prends ton téléphone, tu télécharges l'application... Je sais pas, j'ai pas internet sur mon téléphone, je peux pas charger. Ouais, mais moi, faut que tu viennes me chercher. En plus, il y a des bruits trop bizarres, moi, j'en sais rien. C'est le bois d'Alix, en plus, c'est le bois des morts. Dans les bois pour aller chasser des Pokémon. Pourquoi t'as fait ça? Tu peux pas rester en centre-ville pour chasser des Pokémon. Mais non, mais parce qu'il fallait faire avancer au Rattata au niveau maximum. Mais je m'en fous, Priscilla. Tu peux pas éviter de jouer à tes Pokémon? Mais t'as rien d'autre à faire, toi. Bah. Viens me chercher, s'il te plaît, j'ai besoin de... Priscilla, comment tu veux que je fasse pour te retrouver dans les bois? Tu me casses les couilles? J'en ai marre, moi. Non, mais maman, faut que tu viennes, parce que là, je sais pas où je suis. Mais comment je vais faire pour te retrouver? Bah, je sais pas, t'es garée le long de la route? Bah non, en fait, j'ai pris ma voiture parce que j'avais un peu la flemme de marcher. Ouais. Moi, je sais pas comment je vais faire pour te retrouver, moi, j'en sais rien. Télécharge l'application, parce que du coup, là, je sais pas où je suis. Franchement, j'ai super peur, quoi. Il y a des bruits trop bizarres en plus. Vraiment, tu viens de me chercher, maman. Donc, c'est au bois d'Alix. Priscilla, tu me casses les couilles, hein. J'en ai marre, moi, de tes histoires de cons, là. Hein. Bon, non, mais bah, écoute, j'arrive. Mets-toi au bord de la route. Ou... Enfin, maintenant, t'as des dans les bois. Comment ça se fait? Je sais même pas où aller, la route. Bon, je vais chercher ta voiture. Et dès que je trouve ta voiture, ce que je fais... Je te rappellerai et puis tu me diras par quel chemin t'es passé et puis j'essaierai de chercher. Mais j'en ai marre, moi, vos histoires. Vous allez me rendre folle. Vous allez me faire d'accord. devenir toute blanche, toute grise. J'en ai marre, moi. Bon, ben, j'arrive. Allez, à toutes. Ah. À toute façon. Voilà, maman responsable. Allô ? Bonsoir. Oui. Mais moi, ça m'aurait fait d'imaginer Cactus dans sa voiture à aller chercher Priscilla. Oui, mais bon, il fallait qu'elle aille déjà chercher la voiture et tout. On en avait pour 1000 ans. Bonsoir, Cathy. Non, mais... Oui, bonsoir. Alors, rassurez-vous, tout va bien. Priscilla n'est pas perdue dans les bois. Elle est tranquillement chez elle. Elle ne joue même pas à Pokémon. C'était juste un jeu. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Oh là là, mon Dieu. Oh, d'accord. Bon, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour alors, la trouver au milieu des bois? Mais je vais la tuer. Si je puis me permettre, Cathy, oui. Il y a eu 2-3 dérapages de langage. Ça me casse les couilles pour une maman. Oui, alors je ne savais pas que vous étiez équipée, mais bon. Si vous aviez des enfants de l'âge de mes filles, vous comprenez pourquoi on dit des gros mots comme ça. Je suis vraiment désolée. Non, mais, et la mère à bout, quoi. C'est vrai qu'elles sont pénibles en plus. Il n'y a pas de souci. C'était pour la bonne cause. Sachez que grâce à vous, parce que vous avez eu la bonne réaction, et ben Priscilla, elle gagne son iPhone SE, les gars. Oui, oui, partager à moi, alors elle va me l'offrir. Parce qu'avec la prière qu'elle m'a faite. Bon. Alors ça, c'était pas prévu, mais pour les mamans qui jouent, on a des cactus. Hein, ouais. Si vous voulez éventuellement qu'on peut vous envoyer. Je prends. Bon, Cathy, on vous envoie un agenda à Fun Radio. Je leur mettrai des coups de pied à cactus comme ça. D'accord. Bon, j'ai eu peur, je me suis dit, ça y est, c'est bon, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Cathy, elle part en monologue là. Hein. Non, mais c'est vrai, Marion a raison, on vous envoie un agenda Fun Radio, Cathy. Bon, ben merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Bisous, Cathy. Au revoir. Priscilla, on t'embrasse, ma chérie. Ben merci beaucoup, en tout cas. Et puis, ben, continuez comme ça. Je vous adore. Bisous, les filles. Bisous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, c'est l'instant Fion qui va débarquer avec cet auditeur qui est dégoûté par quelque chose. Il ne peut plus toucher sa femme, je vous dis pas pourquoi, on en parle dans un instant et puis bah vous appelez-nous pour nous dire le truc qui vous repousse sexuellement. 01 42 48 5000, je sais c'est pas glamour mais il y a moyen de se marrer, hein? Ah bah alors on est là pour ça du tout. Ce sera juste après The Chainsmokers sur Fun, qu'est-ce qu'on aime. Hey. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson, okay. Over. 23h43, cette émission passe super vite. Vous trouvez pas que ça passe plus vite quand on fait des trucs dégueux, genre boire un smoothie? Ouais, ah ouais. Hein, ouais, mais moi j'aimerais vraiment autant qu'on arrête de faire ce genre de trucs. Mais tu sais quoi, c'est les auditeurs qui vont choisir. Vraiment, si ça vous dégoûte, vous nous dites là sur Twitter, on va lancer un sondage. Parce que j'ai bien compris que vous avez entendu les relents des gens de l'équipe à l'antenne. Hein. Ouais, non, mais il y a déjà, il y a un mec avec le hashtag Le Night Show tout à l'heure qui disait continuez à vomir, ça m'aide à m'endormir. Voilà. Merci Yannick. Donc choisissez, parce qu'on n'a pas envie de vous dégoûter non plus. L'idée, c'est de vous faire marrer. Donc soit ça vous plaît, on continue. Soit ça vous saoule, on arrête, on trouvera autre chose. On a deux, trois idées comme ça sous la casquette. Et puis, hein, les gars, 23h44, est-ce que ce serait pas le moment de parler cul? De cul. Si. Est-ce que vous êtes content de parler de cul? Ah oui. Et bien, on a Alexandre de Saint-André de Cusac qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Cusac. Bonsoir les filles. Ça va? Très bien, et vous? Bah parfaitement, t'as quel âge toi? J'ai 32 ans et je suis chauffeur polo. D'accord, big up à tous les chauffeurs qui nous écoutent. Est-ce que tu es dans ton camion actuellement? Ah, c'est mon jour de repos. Ah, je reprends demain soir. Je suis très déçue, moi j'adore entendre des klaxons. Moi aussi, m'excite. On te rappellera pour que tu klaxonnes, d'accord? D'accord, mais tous les autres sorts de la semaine, mais pas le week-end. J'aimerais bien qu'il y ait des camionneurs qui nous appellent là. Ouais, bah appelez-nous si vous êtes chauffeur, comme ça on vous prend, vous klaxonnez, puis bah voilà, on fait une petite dédicace et puis c'est tout. Et vous me dites oui, vous me dites non si on organisait un concours du meilleur klaxon. Allez. C'est un bateau. C'est clair. Merci Thibaut à l'arrêt. Hein. Non, ça c'est un bateau. Les gars. Ouais, ça c'est un bateau et l'autre d'avant, vas-y. Bah c'est aussi un bateau. Bon, hey, si vous avez vraiment un camion avec un vrai klaxon, 01 42 48 5000, on vous attend. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi mon chat? Ben voilà, donc ça fait 6 mois que ma femme est enceinte. Et depuis 6 mois en fait j'ai toujours un désir envers elle. Mais je pense que le fait de savoir qu'elle porte notre enfant, et ben je ne peux plus rien faire. Il y a toujours le désir avant, mais dès qu'on doit aller plus loin, ben tout se coupe. Ça devient... T'arrives pas à lui faire l'amour, enfin, t'arrives pas jusqu'à la pénétration, quoi. Ah ouais, non, il y a même pas moyen. Mais attends, parce qu'elle est enceinte de 6 mois? Oh oui, mais dès qu'on a su qu'elle était enceinte, de ce jour-là, tout s'est arrêté. Mais ça, c'est un phénomène quand même qui est assez répandu, hein. Je te rassure tout de suite. Il y a plein de mecs qui bloquent complètement psychologiquement parce qu'ils se disent, voilà, maintenant, elle a mon enfant dans le ventre. Voilà, c'est plus un objet sexuel pour toi, là. D'accord, mais enfin, techniquement, il y a quand même une énorme barrière entre l'enfant et la possibilité de toucher avec votre sexe l'enfant, quoi. Mais c'est pas ça. Ça, je suis d'accord, même elle a un énorme désir en plus, parce que pour la gente féminine, il y a quand même ça crée plus de désir d'être enceinte. Ça, elle ressent aussi un besoin, mais je suis incapable de subvenir à ce besoin-là, on va dire. Mmh. Ouais, franchement, moi je peux te comprendre parce que moi je pense que le jour où je serai enceinte, je serai dans le même cas psychologique que toi. C'est pas que j'ai peur qu'il touche le bébé ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai un être vivant dans mon ventre et je me vois pas faire l'amour en fait. Alors, je sais, c'est con. Moi ça me bloque pas mais du tout. Mais voilà, je te comprends Alexandre, on va demander aux auditeurs déjà s'ils te comprennent, s'ils ont des conseils pour toi, peut-être des papas là qui ont eu cette expérience, comment vous avez réussi à surmonter ça. 01 42 48 5000. Et si vous n'êtes pas papa, c'est pas grave, appelez-nous pour nous dire le truc qui vous repousse sexuellement. Voilà, s'il y a un truc, moi je sais pas, une nana malade, un truc comme ça qui vous dégoûte. Et n'oubliez pas aussi les routiers, nous vous attendons à base de klaxons. Allez, concours de klaxons dans un instant sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun Radio sur iPhone. Fun Radio présente Mickaël Canitro. Samedi soir, au Sau Club à Rouen. Venez faire la fête sur le meilleur du son Dance Floor, mixé par Mickaël Canitro. Salut, c'est Mickaël Canitro sur Fun Radio. Mickaël Canitro en DJ set exclusif au Sau Club à Rouen, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your... Dans le night show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The night show sur Fun Radio. Ouais, si vous nous rejoignez, déjà bienvenue. Il y a une petite blonde à franges, moi, Anso, et puis Marion. La petite brune à franges, comme ça, il y en a absolument pour tous les goûts. Hein. Voilà, bonsoir. Vous pouvez manger à tous les râteliers aussi, si vous voulez. On est en train de parler avec vous, avec Alexandre. Alexandre, il nous disait qu'il était camionneur. Et on voulait lancer un concours de klaxons de camion. Et alors, c'est cool parce que vous êtes hyper nombreux à nous écouter, les camionneurs. Ah, on a du monde au standard. Ouais, on a du monde au standard. Il y a Jason qui est avec nous. Bonsoir, Jason. Salut. Vas-y, un coup de klaxon, Jason. Allez, moi j'ai mis ça. Mais c'est un bateau aussi, ça. Mais c'est un train, ça. Oui, c'est un train, ouais. Il y a Jerry aussi qui est avec nous. Jerry, un coup de klaxon. Ouais, sans problème. Mais c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ces camions pimpés? Attends, après, on va faire tout le monde en même temps. Il y a qui d'autre? Il y a Fred aussi, camion Fred, klaxon. Ouais. Ah, voilà. Là, alors, c'est normal. En fait, il faut que tous les camionneurs de France klaxonnent pour, ah que, ouais, pour qu'ils se reconnaissent et ils écoutent l'émission. Attends, on a Quentin aussi. Quentin, tu klaxonnes un coup? Ouais, ça marche. Bah, alors, les gars, Quentin, Jason, Jerry et Fred, allez-y tous en même temps. Génial. Les gars, arrêtez, c'est bon. Franchement, merci beaucoup les gars, vous avez fait un beau bordel. Merci de nous écouter. On embrasse tous les chauffeurs là et continuez à foutre le bordel sur les routes de France. Ouais. Pas de soucis. On vous kiffe les gars, on vous envoie tous un bac Fun Radio. Bisous. Bisous. Ciao ciao. Salut. Ah. J'adore. Bon Alexandre, ce petit interlude étant passé, revenons au fait que toi t'es en couple avec une nana qui est enceinte et tu as du mal à lui faire l'amour. Tout à fait. Et alors figure-toi que Anso m'a suggéré un truc que je trouve pas bête. Il te reste 3 mois à tenir. Pourquoi ne pas se contenter de préliminaires? Est-ce que ça te dégoûte aussi, par exemple, si elle te fait des fellations? Ah non, mais les préliminaires ne posent pas un problème dans les deux sens. Ah, ça, c'est bon. Mais alors... elle a quand même le désir d'aller plus loin. Bah, il faut que tu essayes, mon pote. Il faut que tu te détaches de ça. Il faut que tu te dises, genre, c'est ma femme, j'ai envie de lui faire plaisir. Et surtout, faut, même après la naissance, tu vois, maintenant, il faut que ça reste ta femme. Il ne faut pas que ce soit juste une mère pour toi, tu vois. Il faut qu'elle reste sexy et il faut que, voilà, elle reste désirable à tes yeux, quoi. Ah mais elle l'est très, j'ai la chance qu'elle le porte très très bien et justement c'est ce que j'ai dit, c'est le fait qu'elle soit enceinte, ça justement ça l'a embellie. Après Alexandre, il y a des positions que tu peux pas faire, effectivement si tu veux la prendre en missionnaire c'est un petit peu plus compliqué avec, ouais, le ventre, mais en levrette par exemple. Ouais, tu vois pas le bidon et tout, ça passe. Le problème, le ventre là, commence à être imposant, hein, ouais. Donc il y a énormément de positions qu'on... qui ne sont plus du tout possibles. Quoi. Alors Alexandre, honnêtement, on peut pas te trouver de solution miracle malheureusement, parce que ça c'est un déclic que tu dois avoir. Tu dois te dire que voilà, c'est rien, que le bébé il a rien à faire là-dedans, il se développe tranquillement, il sentira rien du tout. C'est vraiment un truc, un travail que tu dois faire toi-même et essayer de le faire au moins une fois pour la faire kiffer, tu vois. On va essayer. Mais oui, puis si ça marche pas, tant pis. Hein. Non, dans 3 mois, vous remettez ça. Hein, ouais, c'est mais pas ça, grave. Les gars, c'est dans 3 mois, quoi. Et puis ben, la pauvre, attends, elle déborde d'hormones. Elle a hyper envie de faire l'amour à son mec. Attends. Prends sur toi, Alex. Elle porte déjà ton enfant. Elle va accoucher par l'endroit. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ça y fait peut-être, ouais. C'est... Moi, je suis désolée, mais il y a des blocages aussi. Il faut respecter dans un couple. 3 mois d'abstinence, c'est pas la fin du monde. Ils devraient s'en sortir. Ils peuvent faire des préliminaires. Si ça reprend normalement après. Voilà, ok, c'est frustrant pour elle, mais le pauvre, il va pas non plus se dégoûter et tu vois, se mettre une pression de ouf. Non, mais et puis en plus, Alex, t'en as parlé à ta meuf, il faut en parler, hein. Ah oui, on en a parlé, et c'est vrai qu'elle pense qu'il y a autre chose, mais moi, c'est juste le fait de. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, c'est une chose, c'est vraiment un blocage parce que ben, elle voit très bien qu'il y a un désir avant. Et dès qu'on veut aller plus loin, dès que je désire essayer d'aller plus loin, il n'y a plus rien. Tout est éteint. Ouais, bon. J'ai bien compris. Écoute, tu vas quand même essayer. Tu sais, on aime bien donner des devoirs, nous, ici. Ton devoir, ça va être de faire l'amour à ta femme. Ça va, il n'y a plus compliqué. Tu essayes, tu prends sur toi. Et si ça ne marche pas, tant pis, au moins, tu auras tout fait. Et ça lui fera quand même plaisir, quoi. Il n'y a pas de souci, j'essaierai. Et puis, l'avantage, c'est qu'elle voit que pendant les préliminaires, tu es à fond et que ça va la rassurer, elle aussi, tu vois. Ah mais pour ça elle a aucun souci à avoir parce que j'attends et ça fait déjà quasiment 6 mois que j'attends et je suis prêt encore à attendre 3 mois de plus, mais moi c'est plus pour elle, pour justement pour que elle voie que prends bien soin d'elle. Et il y a toujours une autre solution si vraiment tu n'y arrives pas, c'est les sextoys, hein. Tu peux lui faire plaisir avec un sextoy. On peut essayer aussi, petite idée. On sait jamais, peut-être que voilà, ça peut être le truc qui arrange tout le monde. Tu nous tiens au courant, Alex. Il n'y a pas de problème, je vous rappellerai, les filles. On y croit, Alex, hein, on y croit. Hein. Toute l'équipe est derrière toi, Alex. Allez, Alex. Hein. Alex. Alex. Alex. Alex. On t'embrasse. Pas de soucis, bisous, les filles, bisous, toute l'équipe. Bisous, poussin. Bisous. Du coup, on se demandait quels sont les trucs qui vous dégoûtent, vous, dans le sexe. Marion, c'est quoi un truc qui te repousse totalement? Moi, c'est la mauvaise haleine, clairement, ça, je peux pas, ça me glace. Et la surabondance de poils aussi, j'ai du mal. Ouais, c'est voilà. Vrai. Après, je sais qu'à un homme, ça doit être viril, tout ça, j'ai pas de problème, mais quand il y en a trop, qui sont trop longs, tout ça, ça me dégoûte un peu. Élaguer un peu, les garçons, là. On élague un peu, quoi. Toi, Anso? Bah, écoute, moi, j'ai beau chercher, moi, je vois pas trop de choses qui me dégoûtent. Mais même les poils? Par exemple, s'il a plus de poils sur la teub qu'il y a de sourcils sur Amir, est-ce que ça te dégoûte ou pas? Ah non, mais faut pas abuser. Oh, ça va, c'est une vanne, bichon. Non, mais même ça, tu peux y aller. Non, ouais, moi j'ai un peu de choses qui me dégoûtent en vrai. Parce que pour moi, le sexe, c'est tellement un truc, c'est un amusement, c'est un jeu, c'est une cour de récré, que si on commence à se dégoûter des choses... Ouais, mais une odeur, un truc, je sais ouais, pas. Ouais, bah moi, quelqu'un de très très sale, mais l'odeur, ça fait partie de la vie, quoi. D'accord. Après, faut pas que ce soit extrême, mais... Bon. Rien qui me dégoûte trop. Ok. On a Yann de Pau qui nous a appelé. Bonsoir Yann. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, je suis en train de vous écouter. Bonne ambiance. Eh ben merci beaucoup. C'est gentil. Yann, tu fais quoi toi dans la vie? T'es pas chauffeur? Non, malheureusement, je ne suis pas chauffeur, non. Tu fais quoi? Je suis vendeur. D'accord. Et qu'est-ce qui te repousse sexuellement alors? Alors moi, le truc que j'ai le plus de mal, franchement, au jour d'aujourd'hui, en 2016, je trouve que c'est les culottes de grand-mère. Alors ça, franchement, je trouve ça complètement effarant qu'on en ait encore au jour d'aujourd'hui. Ça dépend sur qui, hein. Et ouais, ça, à petite anecdote, il y a pas longtemps, j'étais en boîte de nuit sur Bordeaux, et j'ai rencontré une fille qui devait avoir la petite vingtaine, très jolie, très gentille. On a fini chez elle après quelques verres, et elle avait une culotte qui remontait quasiment jusqu'à son nombril quand même. Ouais, mais c'est tendance. Non. C'est très moche. Ma grand-mère n'en porte plus, c'est comme ouais, ça. Quoi. Yann, tu te dis pas que, voilà, certes, c'est pas très sexy, mais au moins ça te donne une occasion de l'enlever. Et une fois qu'elle l'a plus, bah voilà, c'est cool, on y va. Oui, totalement. Mais ouais, On a souvent tendance à se dire, ouais, bah de toute façon, quand c'est enlevé, on n'y voit plus. Enfin, tu vois, on voit que le corps de la personne. Mais en fait, c'est avant. Tu vois, le désir, il monte aussi avec de la lingerie. C'est ça. Le plaisir passe avant aussi par les petites lingeries, les petites tangas, les trucs affriolants. Oui, mais elle avait peut-être pas anticipé, cette pauvre fille. Elle s'est pas dit, je vais rencontrer quelqu'un. Ça arrive à tout le monde de porter une grosse culotte. Je suis désolée. Et les filles qui sont super bien foutues, qui ont ça, ça gêne pas, je pense. Ça gêne quand même. Ça gâche un peu la féerie de la chose. Ouais, c'est pas gaging. Féerie, donc carrément. Chacun son blocage, on comprend, mon pote. On t'embrasse, Yann. Ben, merci aussi. Puis bonne continuation. Et puis amusez-nous encore comme vous le faites. Non, toi, t'es un beurre. On t'embrasse, Yann. Bisous. Au revoir. Il y a Lucie aussi à Nantes. Elle vient de chez moi, alors c'est cool. Ça va, Lucie? Salut, salut Anso, salut Marion. Ah, ça fait plaisir d'avoir une meuf sur ce sujet. Qu'est-ce qui te dégoûte, toi, Lucie? Ah là là, il y a un truc, je vous ai appelé direct, qui me dégoûte, qui me bloque, je peux plus rien faire. C'est les poils aux jambes. Mais je trouve ça dégueulasse. Bah, les poils aux jambes sur un mec, pour le coup, moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Alors moi, je t'explique, Lucie, je pense que ça m'angoisserait plus de tomber sur un garçon qui est complètement épilé des jambes. Ah ouais? À moins qu'il soit cycliste. Ouais, enfin. Et ben moi, je trouve ça super sexy, voilà. Un mec qui s'épile, c'est pour ça que je sors avec pas mal de cyclistes. Parce que je sais pas, ça gratte, ça pique en plus, et puis ça fait ours, quoi. Non, j'aime pas du tout. Mais justement, comme quand il se rase, la repousse, elle pique. Enfin, moi, je trouve ça encore pire, quoi. Ouais. Alors, je suis sortie avec des mecs qui s'épilaient à la scie, hein. Oh non, alors ça, moi, par contre... Ah bah attends, on le fait nous, merde. Pourquoi elle le ferait pas aussi? Bah, parce que c'est chelou. Non, mais après, chacun son truc. Non, ouais. C'est tout doux et tout. Franchement, c'est canon, moi, j'adore. D'accord. Bon, bah écoute, compliqué, je pense, de trouver que des mecs qui n'ont pas de poils, mais pourquoi pas? Ouais, c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup. Après, je peux en convertir aussi certains. Ah ouais. Je leur demander et tout. Et ouais, non, sinon, Lucie, non, c'est mort. Tu fais quoi dans la vie? T'es esthéticienne? Ah non, pas du tout. Je travaille, je peux dire le magasin, je travaille chez Decathlon. Ah oui. Ah bah donc elle croise beaucoup de sportifs, le vélo, tout ça. Ouais. Ouais, mais je suis pas au rayon cycliste. Mais ah mince. Je fais sur mes pauses, ça m'arrive de faire un tour. Eh bien, demande ta mutation, petite femme. Pour aller faire mon marché, c'est ça. On t'embrasse, ma Lucie, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup, bisous. Bisous. Bisous. Est-ce que Pépère, il y a quelque chose qui le dégoûte sexuellement? Un truc qui te repousse, Pépère? Ouais. Bah, Pépère, lui, ce qui le repousse, c'est les vers. Mais comment ça, les vers? Bah oui, des fois, quand Pépère, il baise le calaf de papy, il trouve plein de vers dans le cul. Oh, non, arrête. Non, il a encore celui-là. Parce que là, c'est bah, oui. Sur des morts. Et en plus, c'est qu'il y a un membre de la famille, quoi. Ah oui, bah oui, c'est mon membre de la famille que je rentre dedans. Mon Dieu. Ouais. Arrête. Cette vanne de Pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Voilà. Comme ça, on se protège. On rappelle que Pépère est un personnage maléfique de l'équipe, hein, ouais. Qui a tous les vices. Bon, l'équipe, on va se retrouver demain en direct à partir de 22h. Oui. Et puis, on va retrouver Mikosé pour Party Fun Deep. Dans un instant, j'aimerais juste savoir dans l'équipe ce que vous avez retenu de cette soirée Thibaut à l'Area. Ouais, moi j'ai retenu que grâce à toi, on pouvait acheter des testicules qu'on colle sur notre bureau pour pouvoir les toucher et se détendre. Ouais, c'est ça, c'est des boules anti-stress en forme de testicules, effectivement. Marion, t'as retenu quoi, toi? Moi, j'ai retenu que Yannick, le standardiste, avait un estomac très fragile et que je pense qu'il ne refera jamais le smoothie du dimanche. C'est possible. Amir, des réseaux sociaux, t'as retenu quoi, toi? Bah, moi j'ai retenu que sur Twitter, on a balancé un sondage pour savoir si le smoothie allait continuer. Ouais. Et qu'il est à 70% pour oui. Aïe, aïe, aïe, aïe. Tristesse, hein. Enzo, standard, t'as retenu quoi, toi? Bah, moi, j'ai retenu que j'aurais jamais mes chances avec Marion parce que vu que j'ai mauvaise haleine, on pourra jamais coucher. Oh, bébé chat, c'est pas vrai, tu sens bon, toi. Moi, j'ai retenu qu'on avait des auditeurs camionneurs hyper cool. Et d'ailleurs, il y a Nadine qui nous a appelé. Nadine? Oui. Tu es camionneuse? Oui. Ça se dit pas, d'ailleurs. Laitière, exactement. Ah, d'accord. Et là, tu es dans ton camion actuellement? Oui, je suis en train de travailler. Je ramasse le lait dans les fermes. Et ben, on va finir avec toi. Est-ce que tu peux nous faire un coup de klaxon, Nadine? Oui, bien sûr. Vas-y. Bon gros camion. Pas mal, celui-là. Nadine. Ah ouais, et fais-nous une petite série, là. Genre, tu t'arrêtes pas, quoi? Ouais, il y a des maisons à côté, mais je vais essayer. Pas grave, on réveille tout le monde. On est des thugs. Elle ose pas. Ouais, non, elle a trop peur. Elle est trop mignonne. Nadine, on t'embrasse, ma chérie. Merci de nous avoir appelé. Eh ben de rien. Bonne soirée à vous. Bisous. Bisous. Soyez bisous, bien là. Ciao. Rendez-vous avec nous demain soir. On sera de nouveau en direct à partir de 22h. Demain matin, vous vous réveillez avec Bruno dans la radio et toute l'équipe entre 6h et 9h. Et puis nous, on se quitte en chanson. Mais oui. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Oh. Jusqu'à une heure. Une heure. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Mikosé. On Fun Radio. Party Fun Deep. Ok. Party. En direct. Comment ça va, les filles? Ça va et toi? En pleine forme. En pleine forme, exactement. On t'a pas demandé ce que tu avais retenu de notre émission. Que Anso et Marion ne savent pas ce qu'est un iPhone SE. Ah oui, c'est vrai. Ah, toi, tu sais, Miko. Voilà, le meilleur du 6 et du 6S dans le SE. Pa. Eh, bien vendu, ça. Voilà. Voilà, bravo. Voilà. On peut y aller. Merci. Oui. Bon, très bien. Et le week-end n'est pas terminé jusqu'à 1h du matin. Partie Fun Deep, histoire de se faire une petite heure à la cool en mode Deep House, Indie Dance, New Disco, tous les plus gros sons du moment. Dans ce Partie Fun Deep, saison 2, émission 3, dans le quart d'heure Major Lazer. On se fera également du Feder avant la fin de l'émission. Philatov et Karas, qui sont les deux DJ russes qui ont mixé Imani, ça va arriver dans un instant. Et pour le son, on y va maintenant avec Console Training. C'est un son qui cartonne en Grèce et moi j'adore. Voilà, on y va comme ça. Partie Fun Deep jusqu'à 1h du mat. Les filles. Ah ouais, Anso et sa voix magique, tu peux nous faire un petit welcome on board? Welcome on board. J'adore. Bisous. Don't you know you're taking me higher? Oh, you know you're making me sweat. Don't you know you're taking me further? To places I ain't ever been. Don't you know I'm nothing without you? Oh, you know I can't survive. Oh, you're showing me an adventure. Oh, you make me feel alive. Oh, something's taking over me. Girl, you know I can't breathe. Oh, you're taking over me. Just take me to Jusqu'à une heure. Jusqu'à une heure. C'est Party Fun Deep. Party Fun Deep sur Fun Radio. I feel the shadows hanging over. Been waiting to come closer. To come and take me away. And I can feel my heart skip. Every time that I slip, I wanna run away. Mai mințit cu vorbele,

What you do to me, like lightning when I'm